J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le numéro 14, 14e numéro. Un Floodcast un peu particulier car il sera concentré autour d'une série qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. C'est clairement Groom. Comme à l'accoutumée, quatre invités avec moi autour de la table. Commençons par Jérôme Niel. Ouais. Bonjour. Enfin bonsoir. Yes. Bonjour. Oh, au final, les gens. Spoiler, il n'y a pas de femme. Je dis tout de suite, voilà. On a un peu foiré, c'est un peu difficile de trouver. Non, c'est une histoire d'emploi du temps. Bien vraiment, sûr. Si. Jérôme Niel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je suis comédien et auteur. Et je ne m'entends pas, si, pardon. On a fait le test avant d'enregistrer. Oui, pardon, oui. Parle bien près de ton micro. Et auteur sur Internet, à la télé. Un peu de cinoche. Un peu partout, un peu de cinoche, des mariages. Au service de l'humain, tout simplement. Nous sommes également avec Vincent Tirel. Oh oui. Je m'en souviens. Vincent Tirel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je m'appelle Vincent, je suis comédien également, je ne suis pas un aliment. et auteur aussi, généralement, de sketchs, internet, télé, autres médias. Si vous avez un média chez vous que vous voulez inventer, n'hésitez pas à me contacter. Le laserdisc. C'est non. Mais c'est pas du refus niette comme ça, c'est là comme ça, j'ai pas d'idée. Mais je le ferai. Nous sommes également avec Axel Malivernet. Ah oui. Ouais. Ah. Axel, peux-tu te présenter aux gens qui peut-être ne te connaissent pas? Oui. Allez. Je sais pas comment. Pour ton métier, par exemple. Oui, je fais des trucs sur Internet, sur ailleurs, sur la télé et tout. Ouais. J'encadre de l'écriture. T'es youtubeur? Non, je suis pas youtubeur. Parce que Vincent, il est youtubeur, par exemple. Allez. Et il adore le revendiquer. j'ai notamment été showrunner de Groom. Voilà, entre autres. Et nous sommes, évidemment, des fins loustiques. Déjà. Mais nous sommes en compagnie, les gens le savent. Les sans le savent, le sachent. Les sans le slave, là. Yeah, nous sommes avec Adrien Méniel. Yes. Merci. Adrien Méniel, peux-tu te présenter pour les gens qui te connaissent peut-être pas? Eh bien, je suis le sosie officiel du Rasta Blanc nommé Vanupier. Ah oui, c'est vrai. Les gens doivent n'hésitez pas. Vous pouvez chercher, c'est une vraie info. Non. Vous cherchez Vanupier, V-A-N-U-P-I-E. Oui, il y a une petite subtilité. Et c'est mon sosie, voilà, avec des dreads. Voilà. Voilà, je me suis dit, il risque de décoller et j'ai tout plaqué. Là, je suis en sosie officiel de Vanupier. Voilà. T'as des dates là qui arrivent, qui vont tomber peut-être? Pas encore, là, parce que tant que j'ai des dreads. On m'a parlé du Maxi Marché de Moulin en Gilbert. Axel vient de voir l'image. Voilà, étant donné que là, je suis plus sur une calvitie que des dreads et des cheveux longs, ça va prendre quelques années. Mais j'ai vraiment misé sur le long terme. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir répondu présent à cette... Axel est toujours sur la photo. D'avoir répondu présent à cette invitation. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer par un petit tour de table afin que vous partagiez avec la plèbe, le monde, la terre, vos revendications culturelles. Ah, à la bonne heure. Jérôme Niel, tiens, tant que tu es là, oui. Est-ce que tu peux partager avec nous un truc que tu as kiffé culturellement parlant récemment? Alors, dernièrement... Ton téléphone Android, peut-être? Alors non, puisque je le hais plus profond de mes pores, et je vais pas tarder à le changer, ce fils d'up. J'ai découvert sur Netflix une série documentaire qui s'appelle Dark Tourist. Ah oui. Vous n'en avez pas parlé déjà? Si. Dans un podcast. Un podcast. Mais on peut rappuyer parce que les gens n'écoutent pas forcément tous les épisodes. Pas possible, ils ont parlé de tout là-dedans. Netflix, oui. Netflix, souvent. Bah, j'avais déjà regardé un documentaire d'une heure trente qui s'appelait Tickled. Oui. Ah oui. Très bien. Voilà, qui est un documentaire sur sur les Ghillies. Une sorte de secte, une sorte de. Sur la part sombre d'un. Enfin, une sorte d'organisme. De Gilly. Voilà. Rien à voir avec Laura Gilly, la photographe. Rien à voir. Et c'est un journaliste qui enquête là-dessus. Et ce même journaliste, il me semble que c'est le même journaliste qui a fait une série documentaire. Donc c'est un peu plus court et il traite plusieurs sujets. Bon, c'est le même mec? Ouais. Je pense que tu mens. Alors, on recherche, mais moi, vas-y, pendant à que l'oreille, parce que j'ai une oreille et j'ai entendu que c'était la même voix, ça m'a marqué. Les rumeurs disent qu'il s'agit de Vanupier plutôt. Et donc, Dark Tourist est un journaliste qui va découvrir des trucs chelous, comme du vaudou en Afrique du Sud, mais c'est que des trucs bizarres, ou des vampires. Il va rencontrer des vampires, mais des vrais vampires. Mm-hmm. Genre qui goûtent du vrai sang. Ouais, d'accord. Des mecs qui kiffent ça. Et c'est que voilà, c'est que des trucs bizarres et c'est vraiment passionnant et c'est 40 minutes donc ça se regarde tranquille, tu vois, avant de dormir. et ça te fait bader ou ça te fascine. Moi, ça me fascine. Est-ce que mais je présente mes excuses. C'est le même mec. Il a vraiment une oreille, ce Jérôme. Voilà, donc il a commencé avec Tickled et maintenant Dark Tourist. C'est Vanupier qui a fait le documentaire. C'est ça. C'est Vanupier. Axel Malivernet, qu'as-tu apprécié culturellement parlant? Car tu m'as dit hors antenne que tu avais près de 16 trucs à proposer. J'en ai trois, mais je peux. Non, je t'en supplie, t'inquiète pas. Non, hier soir j'ai vu First Man. Ah, alors n'en dis pas trop parce qu'il y a des gens autour de la table qui veulent le voir. Et est-ce qu'à la fin il y arrive? Est-ce qu'à la fin il arrive? Je ne sais pas ce que c'est moi personnellement. First Man, c'est le film de Damien Chazelle qui a fait Whiplash et La La Land. Bien sûr. Marianne Chazelle, c'est Marianne Chazelle le nom par contre. C'est dans l'espace, il y a ça. Ouais. Parce que tout le monde fait des films dans l'espace maintenant, ça y est. Oui. Bah, c'est du fond vert, c'est moins cher. Je crois que c'est moins cher. Bah, oui. Et là, c'est magnifique. Mais faut pas trop que j'en parle, c'est ça? C'est parce que j'aimerais le voir. Est-ce que c'est sur le premier homme sur la Lune? Oui. First Man on the Moon. J'imagine. Ah, c'est avec Jim Carrey. Ouais. Et c'est bien. Je pense que ça va aux Oscars. Ça, voilà. Pardon, mais voilà. Tu mets un petit billet? Ah, je mets un petit billet, ouais. T'es à sec, mon pote. T'as acheté un appart, t'as plus rien. Donc, Il a raison. c'est magnifique. Enfin, moi, ce qui me plaît dans ces films, c'est qu'à chaque fois, c'est un peu le même thème. Sur Whiplash et La La Land, c'est à chaque fois. Son propos, c'est si tu veux faire la pureté de ton art, l'amour a pas de place, quoi. Ouais. Ce qui est déprimant, et voilà, je suis pas d'accord, mais. Et là, il y a tu t'es bien rattrapé parce qu'à la base, tu voulais dire que ça te plaisait, que t'étais d'accord. Après, tu t'es dit, il y a ma meuf qui écoute. Non, ça m'a plu de retrouver ça, y compris là-dessus, où c'est pas lui qui l'a écrit, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et aussi, apparemment, si tu veux aller à fond dans ton art, ne te renouvelle pas aussi. C'est un peu. Ouais, ça, parce que trois fois le même truc, ça va, on a compris. Après, ça va, Whiplash, La La Land et First Man, c'est trois sujets très différents. C'est une thématique. Il fait le prochain Fast and Furious après. Après, c'est une blague, c'est juste. Ouais, je déteste. Mauvais esprit. Après, quelques libertés avec les réalités, puisque. Il y va à pied, déjà. Non, mais là, ils font comme s'ils étaient vraiment aller sur la Lune, ils montrent pas la partie studio avec Kubrick et tout. Je suis un peu déçu. Ah oui. Si. Bah non, mais on est numéro 1 chez les complotistes, donc faut le dire. Ouais, non, il faut le dire. Ben moi, je suis sur une. En vrai, j'avais fait une story sur Tarek Ramadan, là, le truc qui a été plagié par Catherine et Liliane ensuite. Oui. Et cette vidéo-là, elle est sur des sites de complotistes où des gens disent Adrien Méniel dénonce le complot contre Tarek Ramadan. Et c'est des gens. Mais c'est pas l'inverse que, en plus, tu non, dis. Non, mais les gens. C'est même pas l'inverse, c'est juste que c'est une blague sur. Même pas sur Tarek Ramadan. Oui, c'est pas sur lui, ouais. C'est ça. Et si vous cherchez Adrien Méniel dénonce Tarek Ramadan, vous trouverez des versions où ils ont monté, y a des petits montages. Par exemple, quand j'évoque le nom du biographe ou je sais pas quoi, là, il y a une petite animation avec la tête du mec et tout. Ça fait, je soutiens Tarek Ramadan. Non, voilà, donc je suis heureux. Et j'ai un public complotiste. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Et alors, tes autres propales, mon bon. Il y a deux heures, j'ai découvert Beau Burnham. Ouais, voilà. Ah, ça, tu connaissais pas avant? Bah, non. Ouais. Fou. Et c'est bien, non? Oui, c'est bien. Je trouvais ça ouf. Quoi. Il a 16 ans. Non, il a 25. Plus maintenant. Mais en tout cas, il nous fait peut-être pleurer sur l'état de notre carrière par rapport à la sienne. Ça, c'est sûr. À peu près tout le monde, moi. Ouais. À 38 piges, beaucoup de gens. Oh ouais, il y a deux funès. Stéphane Guillon a mis très longtemps. Aznavour aussi. Regarde comment il a fini. Bon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, mais t'as le temps, t'es pressé, t'as quoi? T'es en train d'apprendre, en fait? Bon, allez. Ouais, t'as remis à ta place, pardon. Hein. Et le même terminus. Et Le Monde est à toi, qui est sorti en août, donc c'est un peu loin. Ah oui, c'était vraiment l'un des meilleurs films français que j'ai vu depuis très longtemps, donc je le dis. Incroyable. Hein, si tu m'as vu Le Monde est à toi autour de la table. Moi, je l'ai vu. Ouais, j'en mets, hein. C'était un très bon film. J'ai pas écouté les réponses, pardon. Tu l'as vu, toi? Oui. T'as kiffé? Précisément, exactement. Ouais, c'est vachement bien. Vraiment beaucoup, j'ai tout kiffé dedans. Non, c'est vraiment un très bon film. Je sais pas quand il sort en DVD, mais bon, dans pas tardant, je pense qu'il est sorti en août. Dans pas tardant? Dans pas tardant. Ouais, je viens de Bourgogne. C'est tranquille. Non, attends, c'est pas une vraie expression. Mais non. Si, enfin, moi, mes parents m'ont toujours dit dans pas tardant. Dans pas tardant? Ouais, c'est la fin de cette émission. Mais non, pas l'épisode. On n'est plus jamais diffusé. Non, c'est terminé. C'est super rude. Dans pas tardant. C'est le film avec Gaston Bide? Non, non. C'est entre Pattaya et Fanny Ardant. Tu sclépurises. Pardon, désolé. Non, non, t'inquiète pas. C'était beaucoup mieux que ce que j'allais dire. Toi, Vincent, qui est un homme de la campagne, t'as jamais dit dans Patardant ? Non, non, non. Ah, bah, il n'y a que moi. Pourtant, ça m'arrive de scapuliser des mots. Scapuliser, c'est un vrai verbe ? Ah, vraiment, ouais. Ça vient de Bourgogne, ça aussi. Non, non, j'ai plein d'expressions. D'accord. Si vous écoutez ce podcast, dites-moi en commentaire si vous disiez dans Patardant. Moi, si vous connaissez le mot ourdé, aujourd'hui, j'ai vu des comédiens. Ah oui, ourdé de merde. C'est genre taché, c'est ça ? Exactement, t'en es plein, ourdé de merde. Le chien est ourdé de merde. Parce qu'il y a une renopée dehors. C'est forcément avec de la merde ou non, c'est plus marrant avec de la merde. Généralement, c'est que c'est ouais, c'est pas propre quoi. Genre t'es vraiment ourdé d'or, tu fais bah c'est cool. ça part mal à la machine, mais bon, tu peux t'en racheter. T'as niqué ton polo, mais tu peux t'acheter une fabrique. Adrien Méniel, qu'as-tu apprécié culturellement parlant récemment ? Alors moi, c'est une série YouTube Originals. C'est pas Groom, attention. Il est impayable. Non, c'est Cobra Kai. Oh. Que j'ai regardé, qui est donc en gros une série qui fait suite à la série de films Karate Kid. Bien sûr. Où on retrouve les deux, pas personnages principaux. C'est mais un sequel ? C'est un sequel. Cool. Sequel. Le méchant, c'est ça, le méchant. Non, oui, le personnage principal est le méchant du Karate Kid 1, parce que je crois pas que ce soit lui dans le 2. En gros, c'est 20 ans après, donc le mec est un peu en galère, etc. Et y a toujours, ça parle toujours un peu de karaté, mais c'est en fait ils l'ont. Moi, j'ai des fois ça me casse un peu les couilles quand ils essayent de trop moderniser un truc des années 80 parce que tu dis bah t'as un peu perdu le charme de même dans l'écriture en fait. Je veux dire des fois nous ce qu'on aime dans les films un peu des années 80 c'est aussi des fois le côté très manichéen et il y a les gentils, il y a les méchants et machin etc. Et le nulos c'est bah à un moment il casse la gueule aux méchants et t'es content. Et je trouve qu'ils l'ont demandé. Que ce soit sexiste et tout. Mais ouais, voilà. les bons trucs à l'ancienne qu'on retrouve plus. Le gay qui est coiffeur, enfin tous ces trucs un peu sympas. Quoi. Voilà. Justement, je trouve qu'ils ont, dans l'écriture et l'univers, ils ont modernisé juste ce qu'il faut pour que, à la fois, on se dise, ah, c'est un nouveau truc et tout. Et en même temps, on retrouve un peu le charme des Karate Kid, pardon Axel. Ouais. Non pas parce qu'ils n'aiment pas Karate Kid, mais parce que je lui ai touché la cuisse par inadvertance. On retrouve pas les gentils. Si, si, il y a Daniel San aussi. Ah, comment il va Aurel San, c'est top. Le nom. C'est Aurel San, oui, pardon. Bah, oui, non, je voulais dire, comment c'est loin. C'est changé. T'as complètement confondu. Non, c'est vraiment. Et il y a des bonnes vannes, c'est marrant. Et il y a même. Enfin, je sais pas, il y a des messages un peu cool et tout. Enfin, c'est vraiment, j'ai kiffé, je m'attendais pas à aimer. J'ai binge-watché. Oh, salaud. En une journée. Comment ? Ah ouais. Et non, voilà, je recommande. T'encouragerais les gens à s'abonner à YouTube Premium, du coup ? Bien sûr, le premier mois est gratuit. Vincent Tirel. Coucou. Qu'as-tu apprécié, pardon, récemment ? Qu'as-tu appris à la fin de cet épisode ? Qu'as-tu apprécié récemment, culturellement parlant ? Alors, plein de choses et tout. Donc, j'ai vu une pièce de théâtre affreuse. Je ne vous en parlerai pas. Parce que vraiment, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'être aussi gêné. Il y avait tout. Pipi, caca, sperme, prout, cul. C'est génial. Chaque fois. Non mais c'est nos thématiques. Et c'est avec Richard Bourringer en plus. Donc c'est vraiment... du coup, je pourrais pas faire de l'antipub, c'est affreux. Mais avant ça, j'étais allé voir une autre pièce. Donc là, je me suis décidé à chaque fois que je viendrai ici. À parler théâtre. À parler théâtre. Ouais, mais ça me va. Mais j'y vais de plus en plus parce qu'en fait, j'aime ça. Bah oui. Et puis on peut repérer des comédiens qu'on connaît pas, qui sont pas très connus. Et d'ailleurs, Nils Aristrup, retenez son nom. Et Ludmila Mikael. La pièce s'appelait, je lis plusieurs choses sur mon téléphone hein, parce que je me souviens du titre, mais voilà. Scorpios au loin, c'est sous-titré La rencontre éclatante de deux légendes. Non, c'est pas ce que j'ai vu. Pour moi, c'était une histoire d'un bateau, mais bon, bref. Alors, ils sont sur un yacht et il y a, je vous le donne en mille, Winston Churchill qui est joué par Ludmila Mikael, c'est faux. Nils Aristrup. La Maria Callas qui chantonne mais qu'on ne visualise pas ou peut-être pas vous. Oh bah non, spoiler. Ne spoilez pas. Non, voilà. Callas criminelle. Et Greta Garbo, donc c'est une rencontre comme ça entre l'ancien premier ministre britannique et la Greta Garbo. C'est une véritable histoire historique adaptée au théâtre. Ils se seraient rencontrés sur ce bateau, ça, les faits sont avérés. Véridique. Il y a des vines qui tournent, il y a des trucs qui tournent, mais on ne sait pas ce qu'ils s'y sont dit. Donc la femme qui a écrit ça. Et qui s'appelle, je vous le retrouve tout de suite, parce que je l'ai plus en tête. Élise Lucet. Vous coupez juste le nom, voilà. Isabelle Le Nouvel. Mais répondez à mes questions. Et mis en scène par quelqu'un d'autre. Jean-Louis Benoît, je le vois là, je m'en serais pas souvenu. Mais voilà, très belle mise en scène, j'avais adoré. Et Nils Aristrup, qui joue grand comme un dingue. C'est une petite claque dans, dans le visage. Voilà, c'est au Bouffe Parisien. N'hésitez pas à venir. Je suis à l'entrée. Je vends du popcorn. Alors, voilà. Pourquoi donc, on dit Bouffe Parisien? Je trouve ça bizarre, les Bouffes Parisiens. Je n'en sais rien. Il doit y avoir. C'est peut-être un mot bouffe. Le théâtre, c'est comme très, chiotte très en fait. Peut-être chiotte, c'est masculin et féminin. Mmh. Ouais. J'étais jamais allé. Ah ouais. Ouais. Bah, je peux dire un chiotte ou une chiotte comme un clope ou une clope. On peut dire un clope. Les vrais beaufs qui disent un clope. Tu dis, je vais griller une tige, file-moi un clope. Ah ouais, j'ai ouais. Mal au bon, je cherche bouffe, moi. D'accord, très bien. N'hésitez pas, moi, je cherche vraiment un autre... à commander des bobounes. Et non, très bien, très beau. Immense théâtre. Enfin, génial. Très, très joli. Rien que pour ça, ça fait une petite... Les théâtres parisiens sont magnifiques. Moi, je vais pas assez au théâtre. À chaque fois que j'y vais, je me dis, c'est magnifique, quand même. En fait, un bouffe, c'est un genre d'opéra léger ou comique. D'accord. Bah, au final, on en apprend. Un bouffe. Et ça fait bien plaisir. Donc, t'es allé voir un bouffe. Un excellent bouffe. C'est léger. C'est léger. Est-ce que ce serait léger, tu dirais? Bon, ouais, ça c'est un bouffe. Pas sur le... Pour moi, c'est un bouffe. Non, ouais. Nils Harris-Rub, d'ailleurs, qui est dans l'émission Profession Comédien de Michel Denisot sur Canal+. Elle est où, cette émission? Et c'est, voilà, je voulais juste conseiller s'il y a des abonnés Canal, s'il en reste. J'ai envie de voir ça. Ouais, c'est génial. En fait, c'est des comédiens. C'est des comédiens qui discutent entre eux. Tu as Jean-Paul Rouve, Kadmerad, Reda Kateb, Tahar Rahim. Et Nils Harris-Rub, ouais. Je crois qu'on en a oublié un, non? Sandy Valentino. Non, et en gros, ils parlent du métier de comédien, mais avec forcément, vu tous les noms qu'on vous a dit, ils ont tous un peu une façon. Et Laurent Lafitte, c'est ça. Ils ont de la bouteille, mais ils ont tous une façon de voir le métier très différemment. Et il y en a, c'est un peu des stars du box-office, et d'autres, comme Nils Harris-Rub, qui sont des gars à l'ancienne de ouf. Et ils discutent, et c'est vachement bien. C'est très intéressant. Et il y a la même version femme, c'est ça? Ouais, mais pardon, par contre, mais beaucoup moins intéressant. Ah, c'est cool, super, parce que vu qu'il y a que des mecs autour de cette table, Axel, c'est très mal. Axel, excuse-moi, comme prénom, je veux dire. Non, mais pourquoi par le choix des actrices? En fait, il y a une taulière, je sais plus qui c'est. Isabelle Lupin. Non, ouais. Juliette Binoche. Ouais, et en fait, elle fait des phrases un peu. Écoutez, en fait, Denisot commence par être actrice, c'est quoi? Et elle commence à faire des phases un peu genre actrice, c'est aimer, actrice, c'est ressentir, actrice, c'est vivre. Toi tu veux du concret, tu veux du crade. Toi, tu veux du pourcentage. Peut-être tu l'as vu après le truc aussi sur les mecs avec les acteurs, et les acteurs, effectivement, ils sont beaucoup moins. Enfin, ils sont très directs, quoi. C'est genre. On est là, on est dans le moment, quoi. Un frigo, on le déménage, on s'en bat les couilles. Non, mais comme du coup, elle pose les bases directes au début de l'émission comme ça reste assez, du coup, un peu superficiel comme ça, c'est dommage. Trop lyrique. Les femmes sont superficielles. Donc, non. Selon toi. Non, mais par exemple, sur les humoristes. C'est vraiment un montage de toutes les horreurs. Je m'attendais pas. Parlons à autre chose tout de suite de la série dont tu es showrunner, où les femmes sont des femmes de chambre ou des putes. Alors. Non, mais il y a aussi celui sur des humoristes qui est vachement intéressant parce que t'as Jamel Dubosc, Foresti, Tim Seat et. Putain, à chaque fois. Et là, ils mélangent les sexes. Et voilà. C'est marrant. Ça, c'est très bizarre. Ouais. Ils expliquent jamais vraiment dans l'émission pourquoi ils font sur acteur-actrice, mais que sur réalisateur, c'est les deux sexes, sur humoriste, c'est les deux sexes. Je sais pas pourquoi. Parce que réalisateur, ils auraient mélangé. Réalisateurs, ils ont mélangé aussi. Ouais. Il y a Chaba, c'est Donzelli ou Azuelos. Non, c'est Azuelos. Azuelos, c'est ça. Pas Donzelli. Toledano Nakash et Azanavicius. Tu l'as dit très vite. Je te félicite. On dirait Eminem. Je suis Eminem. Toledano Nakash. C'est le nom d'un album à lui. Et non, mais voilà, une très bonne émission sur Canal. Et donc, si vous êtes abonné, si vous avez un grand-père abonné et que vous pouvez lui prendre son abonnement, tout ça, n'hésitez pas. Mes deux grands-pères sont morts, putain. Oui, bon, enfin, si je commence à pas parler de tous les gens qui sont morts dans ta famille, il reste plus grand-chose. C'est bon, on a fait le tour de table. Et toi, mais moi qui on est déjà à 18 minutes. Oui, alors je vous le dis très vite fait. Ouais, okay. J'ai vu l'exposition Sergio Leone à la Cinémathèque. Je pensais à toi en plus quand j'ai vu qu'il y avait ça. Je me suis dit, tiens, un jour je l'appelle. Ah, je suis méga fan de Sergio Leone. Trop bien. Et alors, vous avez le temps, c'est jusqu'à fin janvier. Donc, c'est. Ah, mais faut se grouiller parce que j'ai envie de voir l'expo Basquiat. Je suis pas allé. Non, faut se dépêcher. Où est-ce qu'il tournait, Sergio Leone? Et bah là où on a tourné Phantom Force avec Jérôme. Ouais, ah, où ça? Almeria. Tous les Sergio Leone ont été tournés là. Non, pas du tout. Et à Cinecita aussi, non? C'est ça que je voulais dire. Quoi dit? À Cinecita aussi, non? Il n'y a pas eu des trucs. Arrête d'inventer. Oui, j'ai inventé. À Cinecita, c'est une cafetière. Non, mais en tout cas, voilà. Sergio Leone, si vous aimez son cinéma, donc je reprécise vite. Il a un cinéma? Avez... Ouais, c'est un UGC à Bercy. Ah ouais, pas ouf. Il est top, j'adore. Belle expo. Donc, ouais, Sergio Leone, l'exposition. Film de Kung Fu. Non, bah, pas du tout, Jérôme. Bah, plutôt des cow-boys. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, c'est vachement bien parce que ça commence vraiment sur son enfance, ses inspirations. Ouf. Non, c'est trop bien parce qu'en fait, tu en apprends vraiment beaucoup sur le gars. Il y a beaucoup d'extraits vidéo. Et moi, c'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ses interviews et tout. Il est mort en 85, 86, je crois. Ah. Et alors après, si vous êtes plus expo, genre, je veux voir les objets du film, il n'y a pas grand chose. Mais bon, après, on apprend plein de choses. On apprend sur ses influences, sur son travail du cinéma, sur ce qu'il a apporté aux réalisateurs d'aujourd'hui, les Tarantino, les Carpenter, tous ces mecs-là. Et que ça se prononce Sergio Leone. Exactement, ça se prononce exactement comme ça. Mais tu vois, moi, par exemple, je savais pas qu'il était que son réalisateur préféré, c'était Charlie Chaplin. C'est un truc qu'on sait pas forcément. En même temps, il y avait trois réals à l'époque. Donc, oui, mais c'est marrant. Chaplin, lui, et puis, Ludoc. Mais c'est marrant. Bidou Edge à l'époque. c'est marrant d'ailleurs parce qu'on en parlait avec ma meuf. En fait, c'est le cinéma est un art tellement neuf qu'on a encore les légendes du cinéma. On a encore des légendes du cinéma vivantes, c'est-à-dire Robert De Niro, par exemple. Antoniente. Ouais, non, mais tu vois, De Niro, c'est une légende du cinéma, il est encore vivant, alors qu'il a joué dans les plus grands classiques. Deux trucs qui me viennent en tête très vite, je sais pas pourquoi. Je suis désolé, je parle comme ça. Tu parlais des objets du film. Je me dis, à chaque fois, je sais jamais si c'est des vrais ou pas, ça m'énerve. Je me dis, en plus, ils ont été relavés, reteintés, remachin et tout. À chaque fois, je me dis, bah, me les mettez pas, c'est pas les mêmes. J'y crois pas. Les fibres ont changé, si c'est le poncho là, de Clint Eastwood. Ouais. Merde. Et ils l'ont passé à 90, il a rétréci, c'est ridicule. On s'est rendu compte avec un jeu, mais je n'ai pas envie d'en parler trop longtemps, c'est pour ça que j'hésitais. Le jeu d'Adrien Méniel là, qui consiste à relier un acteur à un autre, on s'est rendu compte qu'en effet, le cinéma, comme c'était pas vieux, on arrivait à trouver un lien entre un acteur. Comment dire? Comment on pourrait appeler ce jeu? Un jeu du... Les degrés de séparation, quoi. Ouais, on avait testé Yolande Moreau et Mike Tyson. On se dit, Mike Tyson a joué dans tel film, qu'a joué avec machin, qu'a joué avec machin, qu'a joué avec machin, qu'a joué avec machin, qu'a joué avec Yolande Moreau dans tel film. Et plus t'arrives à faire... Moins il y a de films. Et on a balancé Ludovic John Wayne pour rire. Et on a trouvé un lien. Ludovic de YouTube. Oui, oui. Exactement. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Non, mais en fait, parce qu'il y a un site. Oui, pardon. Parce qu'en fait, il y a un site qui fait ça automatiquement. C'est long. Ah, merde. Tu rentres. Bah, oui. Ce qui est marrant, c'est d'y jouer avec des avec moi, des amis en voiture. Souvent, plein de gens autour de cette table, on y a joué ensemble. Je sais plus à Bagel. Et en fait, il y a un site qui te fait ça automatiquement. Et du coup, attends, c'était qui qui avait. C'est toi, Vincent, à 1 degré de séparation avec Zidane. C'est quel film? Parce que le manoir, il y a José Garcia qui fait la voix du sanglier et il joue dans Astérix aux Jeux Olympiques avec Zidane. Ah, c'est stylé de ouf. Ouais. J'ai testé du coup avec le site avec des acteurs que j'adore et je me suis rendu compte qu'ils habitaient en bas de chez moi. C'est ce qui est fou. Non, ouais, John Wayne, le jour le plus long. Ouais. Du coup, il y a Bourville et du coup, on a trouvé De Funès qui a joué dans L'Aile de la Cuisse avec Coluche. Non, De Funès même qui a joué. Ouais, enfin, ouais. Oui, c'est ça. Et Anconina. Et du coup, Vincent Elbaz, Ludovic. Ah oui, c'est ça. Ou Garcia et pareil. Sur le site, il y a un truc encore plus rapide. Avec Lorraine Bacall et une meuf, et la meuf joue la mère de Ludovic carrément dans un film. Deux acteurs. Je vous quitte avec ça. Ouf. Casque drop. Larsen. Soyons zen. Non mais c'est un jeu qui est super et moi quand je jouais à ce jeu avec mes potes, on avait toujours des petits films qui nous aidaient beaucoup. Par exemple, il y a Wanted, qui est un film avec Renault, Johnny Hallyday, Harvey Keitel. Exactement. Et tu vois, t'as 2-3 films comme ça qui te permettent de relier les Depardieu déjà, voilà. Ça aide beaucoup. Depardieu, maintenant il y a Cotillard. Ça, ouais, ça Cotillard, te permet c'est de relier tout avec Inception et tout. Tu fais bon, bah, Tom Hardy, tac tic tac tac. Ouais, c'est ça. Tom Hardy, Samina Seri en un coup. Voilà, tout simplement. Ouais. Et tu peux le faire avec plein d'acteurs comme ça. Ils sont. C'est fou. Voilà. Voilà. Et c'est un jeu que vous pouvez faire chez vous. C'est un jeu très marrant. On aime bien le faire. Ouais. Si vous avez compris les règles, parce que ça et le jeu du foulard, c'est les deux qu'on aime bien. Le jeu du foulard, c'était à l'époque ça. Putain, ils jouent plus les gamins, ça c'est vraiment. Ouais, avec des ils sont là avec leur Pokémon Go. Pokémon Go, bah à l'époque on s'étranglait, on crevait, on était à deux doigts de crever, c'est quand même autre chose. Excusez-nous, hein. Par contre, il y a un mec qui s'est fait tuer en jouant à Pokémon Go là, à Chicago. Il y a un serial killer à Chicago en ce moment. D'accord. Il a tué deux personnes, dont un gars qui joue à Pokémon Go. Putain. Voilà. Des serial killers des deux. Deux morts, c'est serial Non, mais il a tué d'autres gens. Et les deux jouent à Pokémon Go ou pas du tout? Non, non, c'est une vieille, je crois, un truc non. Comme ça. Ah, donc très peu joué, voilà, mais un peu private dessus, j'ai rien. Je crois que c'est trois, je crois, pour être catégorisé serial killer. Mais moi, personnellement, si t'en as tué deux, bah t'es un serial killer. Voilà. Wow. Assez pour, attention avec tes propos. Bah, je veux dire, s'il y a des gens qui écoutent qu'on tue deux personnes, bah vous êtes des serial killers, les mecs. Il n'y a pas d'autre mot. Les amis, si je vous ai invité, c'était pour parler de la série. Groom. Pas vu. Yes, Tu l'as pas vu? J'ai pas vu. Mais vraiment, t'es derrière depuis très longtemps. Et tu m'offres un peu un lancement car Axel Malivernet, mais Jérôme Niel également, Quelle est la première fois, on va revenir au tout début, on va essayer de retracer un peu chronologiquement tous les événements. Ça va être un podcast de 32 heures. Quelle a été la première fois, la première fois que, que Jérôme a enfilé c'est képi, le chapeau de groom, le calot de groom. Ça remonte à quand? Quand est-ce que la première fois que t'as mis ce calot, Jérôme? J'ai cherché un truc. Le début était un peu, et calot Jérôme, c'est pas mal. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que c'est par rapport au chanteur? Oh merde! Oui, non, mais si, il est complètement d'apesanteur, le mec. Et prévenez-nous, les gars. Prévenez-nous. Nougaro. Axel, Jérôme, comme vous voulez. C'était à Montreux, c'est ça? Mais je pense que c'était à Paris. T'étais chez. Le loueur, le fameux loueur. Racontez tout. Mélo-Mongueulard, je cherche. C'est pas grave le nom. Mais dit Coco, qui est Cocostumière. C'est pour ça, Mélodie Coco. Je dis ça pour les audits. C'était chez le costume. Chez l'habitant. Je pense que c'était Sarah Gélin qui t'a fait essayer ce costume. Ouais. Puisqu'il n'y avait pas de costumière. C'était à Paris, Pour le programme court, pour Montreux. Alors, tu pouvais expliquer un peu ce que faisait Montreux à l'époque avec les YouTubers et comment vous avez eu l'idée de Groom Service saison 1? Est-ce qu'on peut dire saison 1? C'est un peu saison 1 quelque part. À la toute base, Montreux, c'était une ville, en fait. Est-ce qu'ils ont rasé depuis? Ils vous ont dit, montre-moi de quoi tu es capable. Et t'as dit, regarde. Voilà, vas-y, continue. Ils ont dit ça, Et non, il y avait le Montreux Comedy Festival, qui est un festival d'humour suisse, qui se passe à Montreux, en Suisse. Et l'année précédente, le Palma Show avait fait Lost in Montreux, Lost in Montreux, qui est une sorte de court-métrage où ils essayent de monter leur film et de contacter des comédiens pendant le festival de Montreux. Et l'année d'après, Mathieu Marot, qui s'occupait de la partie digitale, comme on dit maintenant, ce qui ne veut rien dire, nous a dit est-ce que vous voulez pas faire un truc? Et du coup, on a proposé cette histoire de. Moi, j'avais fait un direct, j'ai eu envie de voir Jérôme en groom. Alors pourquoi d'ailleurs? Va savoir. T'es obsédé par les hôtels. L'hôtel est une source d'idées. Non, je sais pas. Moi, j'aime bien voir Jérôme dans des trucs où il est obligé de respecter certaines règles, etc. Donc, notamment avec la clientèle, par exemple. Enfin, il est obligé de se contenir et vous le savez tous autour de cette table, se contenir, c'est pas ce qu'il préfère faire au quotidien. Il a son petit caractère. Oh, oui. Rappelons quand même qu'il a planté 3 gars dans la vie. Dans ce podcast. Et non, et du coup, et donc ça. Et il se trouve que. Ah ouais, merci, excuse-moi. Et il se trouve que parallèlement... C'est vrai que ça marche mieux. C'est beaucoup mieux, d'un coup. Ah ouais, je suis désolé. Quand on parle dans le micro, pauvre con. Continue, vas-y. Est-ce qu'on fait le début? Non, t'inquiète. Alors, First Man, c'est... et quand je bossais à la banque, puisque j'ai travaillé dans une banque, une assurance pour les clients s'appelait Groom Service. Et j'ai dit, ok, on prend. C'est vrai? Ouais. Ça, je sais. Bah, dis donc. C'est-à-dire que la série a été à ça de s'appeler Cause d'essai. Pacifique. voilà pour cette partie-là. Est-ce que tu peux raconter, Jérôme, la suite? C'était quoi? Là, je suis allé jusqu'à Montreux, en gros. Ouais. Ah oui, après, on continue. Et donc, vous avez tourné à Montreux la série? L'idée, c'était d'avoir des guests, en fait. C'était ça, le truc. Ouais, c'était d'essayer d'avoir un guest par épisode. Et c'était une équipe très réduite. C'était Ludoc qui réalisait. C'était même Axel qui était au son, un peu, qui vérifiait si c'était... si c'était pas dans le rouge. Ouais. C'est bien que ce soit le gars qui sache pas parler dans un micro, gérer le son. Bah, figure-toi que l'épisode avec Arnaud de sa mère, le micro n'a pas enregistré. Ouais. C'est la caméra. Bon délire. Ouais. Et t'avais et Sarah Gélin qui nous aidait justement à booker les guests ou même à qui faisait apporter, de la prod, quoi. Qui faisait de la prod, exactement. Ouais. C'était les débuts de... Alors pourquoi on parle de Sarah Gélin? Puisque par la suite, donc pour la série Groom que nous venons de faire, c'est elle qui était directrice de production de la série. Ouais, elle était là depuis le Day One, Depuis le Day One, on lui a demandé d'acheter un god qui tourne pour une scène avec Poulpe, Davy, Greg et David du Palmachon. Et Poulpe qui déjà était dans le game des gods. Déjà, tu vois, comme tout le monde est resté dans la même... Et on peut saluer Sarah parce que trouver un god qui tourne à Montreux, c'est pas si facile. Hein, quoi. Très, très peu consommateur de god. Non, c'est pas mon trou. Oh, joli. Elle est bien. Balle. Mais précise aussi. Pardon. Ils sont venus vers vous pour avoir, vers la ferme Jérôme, la chaîne que vous gériez, ou pour Bagel? Ah non, c'était la ferme Jérôme, Mais non, Bagel n'existait pas encore. J'avais la vache. Ah oui, c'est vrai. Les jours sont des voitures. Mais quand on l'a fait, des Punto, par contre. Mais quand on... quand c'est sorti, par contre, Beagle existait. Ouais, voilà. Et oui, c'est ça, c'est joué à rien. J'avais ça en tête. Et du coup, on a rencontré Lorenzo Benedetti, donc qui a fondé le studio Beagle. Et du coup, on lui a dit ça, on aimerait bien le refaire. C'est maintenant à fondu. Si possible. Moi, j'ai tenté une manielle, mais j'arrive pas. On lui a dit, on aimerait bien le refaire, mais plus sur Canal. Et il dit, ouais, ok, hein, et tout. Et on a réfléchi. Et il a trouvé l'idée de le proposer dans le cadre du Grand Journal au Festival de Cannes. Et en plus de ça, on a triché puisqu'on a montré un pilote qui était l'épisode avec Kian de la série à Montreux. Voilà. Et du coup, ils étaient morts de rire et ils ont dit OK. Pourquoi tricher? Qu'est-ce que ça de tricher? C'est toujours plus facile quand tu as quelque chose de visuel à montrer et quand. Visuel à Montreux, en plus. C'est pas de la triche. Elle n'a pas triché. Non, mais. On a triché, on avait tout écrit. on n'a pas improvisé sur le tournage, non, on avait des textes. C'est pas triché, mais disons que effectivement, ça aide énormément de ne pas avoir à faire financer un pilote, de ne pas avoir. Voilà. C'est pas parce que ça aide que c'est triché. Bon, écoute, tu vas te lancer un objet maintenant. Oui, voilà. Non, mais honnêtement, on n'a pas de garantie que juste le texte, ils auraient dit go, quoi. Ouais, ouais. Et donc, à ce moment-là. C'est pas triché, pardon. C'est quelle année d'ailleurs? Il a raison, c'est pas triché. Et c'était à quelle année, c'est à peu près, Montreux à Cannes? Franchement. Ouais, personne. Ça, c'était avant l'année des tutos. Oui, c'était l'année avant des tutos. T'avais pas encore fait 2012. Ouais, 2012, ouais. Et donc, c'est en gros, vous faisiez. C'était un peu le même esprit, sauf que vous c'était. Il y avait quoi comme guest? Il y avait Nicolas Bedos. Bedos, il y avait Michel Laroque. Sarah Forestier qui a eu un César. Ouais. Pio Marmaille. Pio Marmaille qui est vraiment. Qui a pas eu le César. Richard Berry. Ouais, j'allais dire Gérard Lanvin, mais c'est son vrai nom. Et Richard Berry. Pio Marmaille, moi, mon rêve, c'est de faire un film où Jérôme joue le petit frère de Pio Marmaille. Je le fais chier depuis 3 ans, mais je trouve qu'ils ont un truc entre eux et je veux voir des scènes entre Jérôme et Pio Marmaille. Au boulot, faut charbonner. Ouais, j'écris, je fais ce que je peux. Alors, il y a un mur rempli de notes, vous ne le voyez pas. Toi qui écoutes ce podcast, tu crois que tu deviens dingue. Et en fait, je suis vraiment en train de te parler. J'avais envie de faire un truc de ce genre. C'est le mec qui est dans la rue et il fait. Pourquoi il y en a qui s'est arrêté? Faudrait faire pendant que vous parlez tous. Parlez tous. Ouais, alors donc, voilà. Jean est donc là en deux potes. Je crois que cette émission est bizarre. Ouais, j'ai pas trouvé, j'ai rien écrit. Hein. C'est triché. Tu feras ça, Flo? Non, arrête, tes conneries. Et vous avez fait combien? Donc, ça, c'était pendant tout le festival de Cannes. Donc, il y a eu 10 épisodes. 9 épisodes, je crois même. 9, ouais, exactement. Ouais. Michel Laroque aussi. C'est vraiment le même parcours que le mec qu'on écoute jamais dans les films, à part que moi, ça n'a jamais continué pour nous et c'est resté vraiment à deux trucs vraiment très confidentiel. Si, et... si t'avais montré un truc filmé déjà tourné, tu vois, c'était le cas. J'ai triché, ouais. Et dans l'équipe là, c'était qui? C'était encore réalisé par Ludoc? C'était Sergio Leone. Et c'était tourné à l'hôtel Lutetia à Paris. D'accord, très bien. Et les auteurs, c'était quoi? C'était vous deux? C'était nous deux et on a rajouté l'individu Monsieur Poulpe. C'est ça, Monsieur Poulpe qui écrivait dessus à l'époque. Oui. Et donc après, on va faire un énorme saut dans le temps où on fait. Ah non, d'ailleurs, en plus, je dis saut dans le temps, mais non, parce qu'il y a eu un peu Jérôme Engroum dans le tour du bagel dans un sketch. Hyper satisfaction. Ouais. Hyper satisfaction avec Alison Wheeler. Petit clin d'œil. Oui. Oui, au fétichisme chelou de Axel. Et donc ensuite. Groom sur YouTube Premium. Alors Axel, toi donc, tu es là, on peut te dire, donc tu es showrunner de la série, c'est toi qui as eu l'idée de faire cette série, tu es donc vraiment le gars qui est derrière ce délire depuis le tout début. Le gars sûr, si je peux me permettre. Tu es un gars sûr, tu es même le sang aux yeux de beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la première minute que tu as passée à te dire ok, cette série va exister avec YouTube? Dès qu'on a fait Groom Service, moi je voulais le faire en plus long, quoi. Je voulais faire un 10x26, je voulais faire un 26 minutes ayant grandi à l'école de H, ouais, notamment, et plus tard Community pour la version plus moderne et sans les rires enregistrés. Mais et voilà, et du coup il y avait cette envie là et à un moment Lorenzo, donc le producteur de Beagle, m'a dit, est-ce que il y a des projets que t'aimerais proposer et tout, il cherche des séries. J'ai dit j'ai ça, ok, fais-moi un dossier. Ok, ça va prendre un peu de temps. Ok, t'as une semaine. Je fais moins ok du coup. Voilà. Moins ok, c'est mais j'ai la chance d'être entouré de gens talentueux et partants pour des folles aventures. Du coup, j'en ai parlé à Robinson Latour, qui était avec qui on travaillait déjà sur le tour du Beagle. J'en ai parlé à Adrien Méniel, puisque j'avais très envie, donc qui est Jérôme, mais j'adorais également le duo comique potentiel entre Jérôme et Adrien. Et Adrien a été très partant dès le départ parce qu'il a dit moi j'adore les trucs, les concepts très simples qui sont des terrains de jeu pour qu'il se passe plein de trucs dedans. Il c'est a vrai. Dit ça mot pour mot. Mot pour mot. Ouais, non mais j'ai, bleu, par exemple. Ça, j'ai rien dit hein, là. Du ouais, coup. Ouais, c'est ouais, ça. J'ai pas corrigé. Ensuite j'ai dû en parler à Théo, je pense. Ouais. À un moment j'en ai quand même parlé à Jérôme. quand les choses ont commencé, en fait, à potentiellement ils allaient dire oui ou non. Mais oui, Théo... parce qu'avec son petit caractère, Jérôme, si tu lui en parles trop tôt et que ça se fait pas, il va dire oh, vous parlez des trucs, je le fais même pas. Théo Bonnet. Théo, voilà. Théo, disons-le, Théodore Bonnet. Théodore Bonnet, le réalisateur de la série. Et qui a réalisé aussi bon nombre de sketchs pour Le Tour du Bagel et également des vidéos que vous avez sûrement vues de Cyprien, Norman. Il a fait Le Tour du Monde avec Squeezie récemment. Voilà, je faisais une espèce de filmographie sélective. Ouais. Et ensuite, pour des raisons étranges, ils ont dit go. et là, donc, il a ensuite fallu l'écrire, cette série. Et donc, c'est parti en écriture avec Robinson Latour, Adrien Méniel et moi, le bon Flaubert, qui est à ma gauche. Ouais. Et on a eu peu de temps, hein, finalement, pour faire ça. Mais c'était cool, je pense. Ah oui, pour tout écrire, d'ailleurs, pour là ouais. où vous deviez livrer. Des traitements à la base, ils ont dit go pour tout ouais okay. c'était okay. non en vrai ce qui était court c'était en soi pour écrire 10 épisodes c'était pas si non, court oui, mais on partait le monde. Il a fallu créer tout un il y avait des envies il y avait des idées mais Axel en plus toi dans ta façon de travailler t'avais besoin qu'on te challenge aussi dans les idées que t'avais à faire et donc tout a été un espèce de débat sur qu'est-ce que la série qui sont les persos il y a eu longtemps par exemple un agent de sécu qui final a dégagé il y a eu plein de trucs comme ça parce que Axel le haïssait dès les premières secondes c'est personnage je peux le dire quand même non mais c'est vrai il y a eu beaucoup de conversations quelle est la série en fait enfin pour expliquer tu ne crées pas une série en deux semaines comme il a fallu le faire pour proposer donc il y a plein de choses qu'il a fallu qu'on rebrasse ensemble et moi c'est l'aspect collectif qui me plaît dans ce genre de à ces étapes là et donc effectivement il y a les trois éléments qui étaient présents dans le dossier de départ et qui sont restés, c'est Jérôme, Adrien et Vincent en trois personnages principaux. Ouais. C'était ces trois personnages-là. Et on est tous les deux, mais tous les trois ce soir autour de cette table. Et oui, c'est comme par hasard. C'est vous ça. Et pour la petite anecdote, à la base, Adrien était réceptionniste et Vincent était voiturier. Ah oui, c'est vrai que le voiturier a dégagé aussi. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Mais j'étais réceptionniste, moi. T'étais réceptionniste, mais c'était assez contraignant, en fait, que tu sois pas dans un rôle d'autorité. Donc, on t'a vite basculé dans un rôle de concierge. Ouais. Et c'était assez contraignant que le voiturier soit obligé de rester dehors. Vu qu'on tournait qu'en intérieur. Oui. voilà. Je sais pas si on peut. Bah, dis les choses. J'étais pas. Si, j'étais déjà dedans ou. Ah non, il y a eu des dedans. Non. Vous partiez de. T'étais pas au courant, mais t'étais dedans. Comment dire ? Ah oui, je savais pas. Non, il y a eu des débats. C'est vrai qu'il y a eu des débats. Non, avant même que vous interveniez ou quoi, moi, quand j'ai mis des têtes sur des personnages, d'accord. C'était le personnage de Vincent. Ah d'accord, parce que moi, je me souviens qu'on avait eu des discussions sur potentiellement d'autres comédiens que Vincent. Bien sûr. Et Dieu sait qu'on a bien fait au final prendre de Vincent. Mais parce que c'est pas moi, les gars. C'est le gars sans barbe. C'est l'autre. Non, mais je vous dirai jamais assez. Merci, parce que je me suis beaucoup amusé. Oh putain, si tu savais. Je ferai ça à la fin. J'ai la chiale pour la fin. Merci. Non mais en plus j'ai reçu beaucoup de messages. D'ailleurs Axel, alors c'est drôle parce que du coup j'ai rouvert le Google Drive de Groom. Jean-Paul Rouvert. Et je comprends pas terrible. Pourquoi il y a d'autres personnes que moi dans mon Floodcast. Non mais attends, c'est normal que tu parles quand même pas mal. T'inquiète. Et j'ai rouvert le dossier boss, hein. Pitch avec un S. Ouais. Où il y a plein de pitch. Alors après bon. Attention parce qu'il y en a peut-être pour la saison 2. Peut-être pour la saison 2 un jour. Bon, après, il y a des trucs. Il y a des trucs où ça va pas plus loin, donc je vais juste vous les dire comme ça, et vous voyez à peu près comment ça réagit. Jérôme vient de lancer son Samsung. Non, je vous ai tagué sur Instagram de manière vraiment. Enfin, j'ai fait un boomerang. J'ai très mal fait. J'arrive pas à maîtriser ce truc. C'est dur. Hein. J'ai un épisode qui s'appelle 2 minutes de retard. Alors ça, je crois que c'est une idée de Vincent, de Adrien, pardon. C'était quoi Je crois. Ça me dit que quelque chose ça, en plus. C'est resté longtemps celui-là, je crois. Ça a failli être un des. Je crois que le principe c'était que Jérôme arrivait avec 2 minutes de retard et il se faisait engueuler par moi qui disait vous avez 2 minutes de retard et il disait ça va. En 33 ans. J'ai jamais vu ça. Il disait ça va, c'est juste 2 minutes de retard, et en fait à chaque fois, il n'arrivait jamais à rattraper ses 2 minutes de retard et à la fin, ça avait des conséquences graves parce qu'à 2 minutes près, il aurait pu empêcher un truc. Bah, le personnage de la femme de chambre mourait. Donc, voilà, c'est pour égorgé ça par un serial killer qui n'avait tué que deux personnes. Déjà, je voulais dénoncer le fait que... Ouais, c'est ça, je crois. C'était que... et qu'à la fin, je lui disais, eh ben, vous voyez... Il y avait peut-être un twist où, en gros, peut-être que... À Saint-Tropez. Exact. Tu commences à l'avoir, toi. Non, mais attends, j'avais pas le sourire fier de Jérôme, mais il est beau. Non, mais j'essaye de... Voilà, je voulais qu'Adrien voit que je suis là, quoi. Ouais. Non, mais oui, c'était un truc dans ce genre-là, je crois. Mais en toute transparence, dans les délais qu'on avait, c'était trop dur d'écrire un aussi bon épisode. Enfin, c'était dur à faire. On a préféré faire les nuls. Alors, c'est très gratifiant ce que tu viens de dire. Stagiaire de troisième. Non, tout le monde a oublié. C'est une idée de toi, non, Flo ? Ah bah c'est, je crois pas. Non, c'était un peu tout le monde. Ça. C'était assez rapidement entre l'épisode 2 et l'épisode 4. Jérôme aurait eu à gérer alors qu'il est déjà incapable génial de gérer lui-même. Ouais, j'aurais bien aimé le voir. Il avait un stagiaire à gérer. Sachant que la blague, c'était que le gosse travaillait mieux que lui. Oui, c'est et ça. Voilà. Et en fait, le groom lui fait faire de la merde et devient. Moi, je te dis ce qu'il y a écrit. Et je le tuais. Devient une sorte de maître Yoda nul pour qu'on lui demande pas de travailler aussi vite que lui. Voilà. Je voudrais revenir sur l'aspect non gratifiant de ce que j'ai pu dire. C'est dans la version idéale de cet épisode de 2 minutes de retard, faut que ce soit un chef-d'œuvre. Et de... il s'enfonce. Non, non, tu veux dire de mécanique. Donc on confirme, enfin, on a fait la merde d'abord. On est capable de le faire, simplement, on est parti sur autre chose. Et puis je vous rappelle que l'émission avec les femmes sur Canal était moins bien. Alors. Non, mais cela dit, ça, je me rappelle qu'en fait, c'était ce pitch-là de 2 minutes de retard. Je crois qu'il était couplé avec le truc de pas de mort dans l'hôtel et qu'il n'arrivait pas à empêcher la mort d'un personnage à la fin. C'est ça. À cause de son retard, je crois que c'était ça. C'est ça, pas de mort dans l'hôtel qui est devenu une sous-intrigue de. Des serpents dans l'avion. Du dictateur. Là, j'en ai un où il n'y a même pas de. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez sur mon Google Doc, il y a en gras le titre de l'épisode ou ce que raconte l'épisode et en dessous des petites notes. Là, il y a juste Père fait un AVC. Bon, bah, par contre, j'aimerais bien qu'il y ait une thématique de la mort assez présente. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait un mort par épisode. C'est une saison 2 comme ça, tu vois, mais t'as vu, il y a un mort par épisode. Il y a eu ma mère déjà pendant l'écriture de la série. Ouais. On décime les familles des. Et j'ai vraiment appris pendant que je te faisais des retours et que je te posais des questions et tout sur l'épisode 1 que t'étais en plein dans ça, donc j'étais vraiment très à l'aise. Je te jure. Mais non. Je savais pas. Bah si. Je te l'ai pas dit pendant. Toi, tu me l'as pas dit. J'ai appris par le cycle. Ah d'accord. Ok. Je le voyais pas. Je voulais pas. Nous sommes autour d'une table de grands sensibles. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des. Actuellement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des idées d'épisodes qui sont devenues des petits trucs d'autres choses en fait. Par exemple, il y en a un, c'est concierge est malade au travail, mais veut absolument travailler. Ce qui, au final, tu l'as mis dans les périodes. Alors, j'ai celui-là que j'ai jamais réussi à imposer, donc je voulais le dire là, parce que même si une saison 2. C'est réceptionniste devient. J'adore, oui, d'accord. J'adore. Alors, est-ce que tu pourras couper ça? Ah oui, tu veux vraiment le garder? Bah, en vrai, c'est possible. On s'en fout. C'est quoi? Je vais le couper à moitié. Je vais le couper en moitié et je mettrai un bip. Ouais, non, mais qu'est-ce que c'est? Non, parce que entre temps, j'ai réfléchi et en début de saison 2, s'il y a, il y a un délire. Ok, bon, bah écoute, je laisserai, mais je biperai. Quel est genre cette phrase? Gâcher le plaisir de la surprise, peut-être. Parce que t'es deuxième podcast d'humour de France. Je suis premier. Eh, bravo! De temps en temps. Ouais, ça dépend des fois. Des fois, on est vraiment dernier et des fois, on est premier. Mais on avait un trophée, on l'a perdu. C'est génial. Ah non, il faut savoir qu'on n'a pas de trophée parce que le podcast indépendant s'en bat les couilles de nous. Vraiment, on est invité nulle part. Et moi, je vais t'en acheter un, vrai. C'est gentil. Chez Jiffy, déjà. Ouais, franchement. Mais ce sera super papa. Et tu vas écrire podcast à la place de papa. Un mug. Cet homme en colère, ça je voulais que t'en parles peut-être vite fait, Adrien, parce que je sais que c'est ta marotte, enfin c'est ton film que tu aimes et je voulais que tu en parles. Ouais, bah en fait oui. Mais c'est pas cet homme en colère. Mais là où il y a cet homme. Non, mais écoutez, c'est pas cet homme. Déjà, le film 12 hommes en colère, parce qu'il y a un film d'avant, c'est 47 hommes en colère. Le mec est fan de ce film. Et au bout d'un moment, il n'aura plus qu'un. Mais un homme en colère. Ouais, un homme, c'est The Mask. Non, c'est pas. J'aurais tellement voulu trouver un film de colère. Pardon. Non, mais c'est pas 7 hommes en colère en vrai. C'est vrai. À la base, c'est 12 hommes en colère. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ton idée de 7 hommes en colère? Alors, il faut savoir que donc 12 hommes en colère. Ah, voilà, c'est ce que je disais. C'est bon, ça, Jérôme. Okay. C'est un de mes films préférés. Et l'histoire, c'est 12 hommes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de femme actrice. c'est une blague, hein, évidemment. En gros, ils sont jurés. Pour une affaire de. Enfin, dans un procès, une affaire de condamné à mort. Et à la base, donc ils votent pour savoir si la personne est coupable ou non coupable. Et tout le monde vote coupable, sauf un mec, Ah. Et du coup, après, c'est tout un dialogue où ils disent, on va juger si une personne doit être tuée ou pas. Donc, on peut quand même en discuter. Et c'est qu'un dialogue entre ces 12 mecs. D'ailleurs, en vrai, il y en a 11 qui sont en colère et puis il y en a un qui est pas en colère. Ouais, ouais, je spoil. Ouais. Non, mais en gros, le titre est moins efficace quand même. Ça se joue au théâtre, là, je crois. 12 hommes en colère. Oui, c'est souvent joué au théâtre. C'est en ce moment. Ça se prête très bien. Mais c'est une pièce de théâtre, en fait, à la base. Ah, d'accord, pardon. Oui, c'est ça que je veux. Mais adapté. Avant d'être une pièce de théâtre, c'est un film. Oui, non, mais alors juste avant, c'est une pièce. Ouais, je sais, mais avant ça, ça a été. Enfin, cette deuxième pièce de théâtre, c'était un film. Là, mais juste avant, c'était une pièce. C'est vrai. Ça a commencé par la pièce. Mais non, et ça a failli être un épisode de Groom. Voilà. Un peu, voilà. Oui. Et du coup, moi, je voulais faire un hommage à ce film où, en gros, je crois que l'idée, c'était. Je sais plus si c'était. Enfin, un des. Je crois que ça se jouait entre Jérôme ou. Enfin, William ou Thomas, qui devait être renvoyé. Et du coup, il fallait que quelqu'un il avait commis une erreur et tout le monde était sûr que c'était lui. Et il y avait que par exemple, il me semble qu'on disait que c'était Thomas qui avait fait une connerie et tout le monde disait oh, bon là, il a merdé, c'est vraiment il faut le virer. Ouais. Et il y avait que William qui disait non, je suis sûr que c'est pas lui. Et du coup, c'était vraiment un épisode où ils discutaient, tu vois, et William essayait de convaincre tout le monde que Thomas était innocent. Ouais, ça donne envie toutes ces idées. Et au final, on a rendu hommage à Mission Impossible et True Lies. Voilà, on n'a pas. Et Batman quand même trois fois. Batman Begins. Celui-là, s'il y a une saison 2. Et en plus, ça aurait été un épisode. C'était aussi l'occasion de faire un épisode pas cher. Oui, bottle épisode comme on dit. Huit clous. C'est ça. Mais un bottle épisode, un huis clos. Arrêtez de nous faire chier. Pour expliquer aux gens, bottle épisode, c'est par exemple si vous avez vu Breaking Bad, l'épisode de la mouche où Walter essaye de tuer une mouche pendant qu'il donne. En fait, c'est l'épisode qui coûte moins cher. Cet épisode. C'est-à-dire qu'ils mettent le paquet sur quasiment tous les épisodes. C'est un épisode où il y a une mouche. Quel enfer. J'ai tellement pas aimé que j'ai checké si c'était pas pendant la grève des scénaristes, tellement je trouvais ça inintéressant. Bah, moi, j'ai trouvé. Oui, mais tout le monde l'a salué. Je t'en supplie, pendant qu'on parle de notre série, chie sur Breaking Bad, qui est considéré comme un chef-d'œuvre. Je suis sans complexe. Non, mais il y a beaucoup de gens qui l'avaient salué justement comme un peu un chef-d'œuvre d'écriture, quoi. Ah, bah, je suis transgressif. Non, mais c'est pour dire, voilà, c'est l'épisode où les gens se disent, bon, là, on n'a pas vraiment de thunes, il faut qu'on fasse un épisode qui coûte moins cher, et ça s'appelle le bottle épisode. Moi, j'ai retourné ça en DV, juste, déjà. Mais ça a failli aussi, ça, à un moment, je sais qu'il y a eu question de faire un épisode en comment ? À la Cloverfield, à la première personne. Ça aurait pas forcément été pour des questions de thunes. Oui, non. C'était plus une envie, mais pareil, c'est pas du tout. Si jamais le futur nous réserve des choses. En saison 3 En saison 17. Non, c'est possible, ça, carrément. Est-ce qu'on pourrait. Ouais, bon, rien. Tu voulais dire quoi ? J'ai le cerveau en calcaire. La roche ? Ouais, vraiment, c'est ça. Le sédiment. Non, je voulais me demander, je disais, est-ce qu'il pourrait y avoir, s'il vous plaît, une saison 2 avec 24 épisodes ? Ouais. Et une VHS de ça ? Sinon, j'ai juste des petites notes. Alors, sperme dans capote pour inséminer. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. C'est sans doute une idée de toi, Florent. Ah non, je crois pas du tout. Ah non, je te jure que non. Peut-être Robinson. Ouais, je pense pas. Pareil, 1, 2, 3 bifles, c'est pas moi. Ça, c'est Robinson. Ouais, ça, je me souviens très bien. Il y a eu vraiment une vraie. Il a essayé de batailler. Il y a quand même des bonnes idées, du coup, de refus. Non, mais. C'est qu'on l'a pas vu. Et il y a celui-là que j'aime beaucoup parce qu'en plus, j'en ai aucun souvenir. Daniel Prévost est un serial killer à l'hôtel. Ah oui, c'était mon idée. Mais oh putain, il avait tué combien de personnes du coup ? Il en avait tué que deux. Ah bon, ok. Non, mais alors putain, j'avoue que je me souviens que c'était mon idée et que je l'adorais et que. Oui, parce qu'elle est notée quatre fois. À un moment, il y a un autre pitch d'épisode où tu dis reliable à Daniel Prévost est un serial killer. Mais je me souviens plus vraiment, mais en gros, c'était que Daniel Prévost était client. Mais je crois qu'il jouait son propre rôle. Il jouait son propre rôle et je crois que le truc c'était qu'à la télé, on avait des indices. Comme quoi, en fait, vraiment, il y avait un serial killer et que clairement c'était lui, et qu'il était ultra flippant parce que j'ai vraiment juste d'imaginer Daniel Prévost hyper flippant. François. Ça, je me disais, ce serait trop bien, mais j'avoue que je sais pas si on avait plus d'idées. C'est Vincent qui imite très bien le rire de Prévost. Oh les cons. Bon, j'en reviendrai. Je sais plus. Putain, pour comme un quoi, épisode spécial. Comme quoi, une leçon à retenir, détaillez plus vos pitchs parce que après, quand vous retombez dessus, parfois vous avez oublié un peu. Tu penses qu'il faudrait plus détailler capote pour assimiler. Ça, c'est peut-être pas. Sperme dans capote. Non, mais oui, effectivement. Donc, on a écrit 10 épisodes. 11. Ah, c'est mais, ah oui, 11, c'est vrai. Alors ça, peut-être on peut expliquer aussi vite fait. Vas-y. En fait, Robinson... Non mais c'est vrai, en gros il y a eu faut aussi rappeler, alors peut-être je le dis aussi vite fait en warning, mais c'est la première fois que tous ces gens autour de la table faisaient une série aussi longue, un 10x26, faut le dire, parce que même si ça paraît être un énorme truc, et c'est un gros truc, hein, le budget était quand même plus gros que ce qu'on faisait en sketch et compagnie, c'était un peu une première pour nous tous, un si long tournage, une si grosse ambition d'écriture, le truc fait quand même 300 et quelques pages au final, et effectivement il y a des trucs où on n'était pas forcément assez préparé pour imaginer comment ça allait se passer, et il y a eu une histoire d'épisode qui a été écrit par Robinson Latour, qui oui. était un épisode qui s'appelait la quarantaine, voilà, quarantaine, oui, ouais. quarantaine. Et pour des raisons de production, parce qu'il coûtait très cher, on n'a pas pu le faire. Et du coup, c'était, on a dû faire de l'épisode des Hôteliades, qui était un épisode écrit uniquement, qui était écrit, qui était oui. un seul Crazy épisode, Frog, qui était Crazy Frog, qui était écrit uniquement par Adrien Méniel à la base, est devenu en cours de route un double épisode sur lequel on a bossé également avec Robinson en gardant les idées principales que kiffait Axel d'Adrien. Et c'est devenu un double épisode. Et du coup, l'épisode de quarantaine a été écrit, mais n'a jamais été tourné. Un peu tiré par les cheveux, ton histoire. Mais donc, on voulait faire un épisode quarantaine. Et premier jour de tournage, on a très vite compris que toutes les choses qui étaient dans ce script-là étaient impossibles. Très, très compliquées, voire effectivement impossibles. Ouais. Et c'est très difficile de réécrire un épisode tout en étant sur le tournage de 7h du matin à 20h. Et du coup, ça a traîné jusqu'à mi-tournage où on a dit, bah là, il faut trouver une solution. Voilà. C'est ça. Et là, c'est le moment où j'ai dit, ah, c'est dommage parce que moi, j'avais une idée d'épisode qui se tournait juste dans une seule pièce. On aurait pu le tourner pour pas cher. C'est dommage qu'on ait pas fait ça. Non, mais donc, du coup, les Hôteliades est devenu un double épisode. Mais ça va, les gens kiffent ces deux épisodes. Franchement, je suis trop content. Quand on dit les Hôteliades, enfin, il n'y a pas la quarantaine, mais est-ce qu'il y a les titres sur YouTube Premium? C'est le 8 et 9. Non, mais tu as raison de le dire. C'est les épisodes 8 et 9 qui sont les épisodes où effectivement il y a les Jeux Olympiques de l'hôtel. Ça, c'est mon petit regret d'ailleurs qu'on n'ait pas mis de titre d'épisode. Je vais te le dire, saison 2, s'il y a une. Je peux dire qu'il y aura des titres. Les Emmerdeurs, qui est une autre série sur YouTube Premium, il y a les noms d'épisodes. Ils ont des noms. Et moi, c'était Hôtel Royal. Oui, mais malheureusement, dans le nombre de caractères que comporte un titre de vidéo sur YouTube, si tu mets un titre, au final, tu ne vois pas. Vous regardez pour les Emmerdeurs, par exemple. Aucun titre n'est lisible entièrement. Ouais. Et je veux pas le savoir. C'est dire ça au mec qui bouffe du code là, pour refaire des lignes. Et remettre les titres. J'adore cette expression. Non, mais donc voilà. Donc oui, 11 épisodes. 11 épisodes au final ont été écrits pendant 6 mois, un truc comme ça, en tout. Tout est pour tout. Collectivement, en tout cas, du 15 août au 25 février. Ouais, un truc comme ça. Oui, donc un peu plus quand même. Et effectivement, les Hôteliades a été écrit de la base d'Adrien pendant le tournage, donc c'était un truc un peu fou. Alors, moi j'ai écrit jusqu'à la veille du départ en tournage. L'ambiance était folle. L'écriture, c'est vrai que ça s'est fait un peu tout le temps. L'écriture, en vrai, on a toujours écrit un peu dessus. Et une fois que tous ces textes étaient validés, donc un peu pendant le tournage, le moment du tournage. Alors moi, j'étais pas sur le tournage, je suis venu qu'une fois et c'était du coup pour réécrire. Anecdote. Deux fois. Ah ouais. Il a été un moment envisagé que Flaubert joue Thomas. Ou le réceptionniste, mais avant qu'il devienne ce qu'il est devenu. C'était ça aussi qu'on disait. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on lui a donné une folie où j'ai dit, les gars, vous n'avez pas vu le sketch Se loger à Paris, je ne peux pas interpréter ce personnage. Mais j'aurais bien voulu te voir jouer dedans, parce que j'adore te voir jouer. C'est sauf gentil, quand tu fais des faux raccords de merde et que tu joues dans Deadland et que tu te coupes les cheveux et la barbe. Et que... C'est une vraie anecdote. Voilà, je me suis rasé une barbe entre deux épisodes, parce que je suis tellement pas souvent comédien. Il est génial. Et que j'ai fait cette tatouage visage une fois, un tatouage Maori en plein son front. On a fait, mais Flo, t'as déjà tourné. Mais ça va, ça se voit pas trop. Mais effectivement, il y a une d'un plan à l'autre, je perds une barbe. Après, deuxième anecdote, Julie Ferrier l'a fait sur Groom. Donc, c'est pour ça qu'elle a une perruque. C'était prévu d'office. Elle a dit, je vais devoir me couper les cheveux, du coup, mettons une perruque. Enfin, c'était prévu, elle l'a dit le premier jour de tournage. Elle a dit, par contre, je vais mettre une perruque parce que j'ai un autre tournage. J'essaie d'arrondir les angles. Du coup, c'est trop beau parce que quand j'ai vu l'épisode, j'ai fait, ah, c'est trop marrant, elle a une perruque, ça n'a aucun sens. Et voilà, j'aimais bien. Oui, mais au final, c'est aussi ça. De dire des fois les imprévus donnent souvent même les imprévus donnent lieu à des trucs qui sont marrants parce que c'est les trucs qu'on n'a pas forcément réfléchi comme des on en parlait avec Axel ça partait très bien cette phrase et puis finalement c'est plus simple de fermer sa gueule Jérôme je pique là où les screamers. Laura Fessel. Non, non, mais comme disent, je rebondis sur ce que dit Adrien, parce que par exemple, moi, j'ai trop kiffé qu'on puisse se permettre ça. J'ai un peu utilisé la fatigue mentale d'Axel sur ce tournage pour faire passer Sport dont on se bat les couilles TV sur les Hôtéliades. Parce qu'à la base, c'est juste Adrien qui avait écrit une blague juste comme ça de phrase qui était désolé, je suis pas abonné à Sport dont on se branle magazine, ouais, je sais pas quoi. C'est ça, ouais. Et c'est devenu. Et cool, on a dit ah bah pour faire un double épisode, ça pourrait devenir une vraie émission de télé, Sport dont on se bat les couilles et qui ponctuerait. Et au final, ça nous a même sauvé pour expliquer un petit peu l'épreuve finale. Brave. Donc comme quoi, un imprévu permet de faire des trucs. Et le duo Gaël Natou qui est vraiment duo trop d'animateurs bien, de Sport dont on se bat les couilles TV. Sport dont on se bat les couilles TV. Voilà. Mais j'avoue que cette blague, j'en suis friand. Du coup, je suis bien content qu'il y ait eu. Et voilà. Et je suis aussi content que tu n'aies pas joué le réceptionniste parce que j'aurais pas eu de taf. Mais je voudrais bien que tu passes dans un épisode demain que j'ai écrit. S'il y a besoin d'un épisode où on a besoin d'une star, peut-être qu'on te prendra toi. Oh, c'est gentil, Adrien. Ah non. Alors, c'est gentil, c'était une vanne pour dire qu'on avait du mal à trouver une star. Désolé. Tu permets que j'enlève mon merci. Donc, le tournage. Il n'y a pas eu besoin de la fatigue pour que ce soit une très bonne idée. Non, au début. Non, mais au début, parce qu'en vrai, c'est un vrai changement un peu vénère. C'est une proposition un peu vénère. Tu sais qu'il y a une star pour moi. C'est un peu osé. Arrête, ça va. Vous ne voyez pas, mais il l'a mal pris. Alors pas du tout. Pas du tout. Après, c'était une contrainte quasiment obligatoire, tellement il fallait que ce double épisode rentre. Et voilà. Et ça a été franchement, le duo était trop bien. Quand on lâche du lest, parfois, ça donne naissance à de très belles choses. De très belles choses. Elle était mieux, celle-là, pauvre con. Donc, le tournage, les amis. Alors, comment s'est passé le tournage? Là, je vais peut-être un peu donner la parole à mes amis comédiens. Le tournage de Home, déjà, ça a duré combien de temps? 41 c'est jours. Deux mois et demi. Attends, Jérôme, t'a assez entendu comme ça. 41 jours. Ça me dit quelque chose, Théo Bonnet avait dit 43 jours avec des deux jours qui ont été rajoutés, oui. Ouais. D'accord. Et combien de minutes utiles à peu près par jour? La moyenne doit être autour de 5 minutes 30, je pense. Ce qui est pas mal. Et entre du ciné et de la série où il faut bastonner tous les jours. Ouais. Donc c'était. On va pas dire que c'était le confort. Hein, non. Mais ça nous a permis de faire les choses qu'on voulait. Proprement, comme vous le souhaitiez. Un peu dans le speed. Ouais. Le fait de dormir dans un hôtel 5 étoiles nous a sauvé. Voilà. Le grand hôtel de Cabourg. Ouais, ça console un peu le rythme soutenu. Ouais. Le soir, salut l'équipe. Tu peux bien te branler dans un grand lit, mon pote. Où il y a canal en plus sur le truc, donc trop bien. Je me suis jamais branlé. Pardon. Quoi? Oui, et donc 41 jours. Ouais, pour le début à la fin, quoi. Après. Moi, j'ai eu un effet que 35. Ouais. Jérôme 2, il a tout torché en 2 jours. C'est une machine. Et donc, vos personnages, d'ailleurs. Alors, Jérôme Niel. Parce qu'en fait, le groom était. C'était un vrai groom dans les épisodes de Groom Service. C'était oui, moins... mais c'était pas un vrai personnage, par contre. Ouais. Vraiment, il avait ni prénom, ni background, ni trait de personnalité. Comment tu parles un peu de ce personnage, Jérôme Niel? Eh bien, c'est un... Commence mal, cette phrase. Ouais. Ouais, commence très mal. c'est un fils de riche, donc qui est assez désagréable au début, et puis qui, au fil des épisodes, va se lier d'amitié ou pas avec l'équipe qui l'entoure. Et voilà. Alors, l'évolution était intéressante du perso, parce que comme on tourne pas dans le même ordre, donc c'était important de se donner des petites piqûres de rappel, tu vois. Axel ou Théo m'ont rappelé que de temps en temps, là, je devais être un peu plus désagréable, un peu plus petit con. Et à un moment là, tiens, souviens-toi, on est l'épisode 6, donc là c'est différent. Voilà, avec une petite. Mais t'as tricoté ça avec non, mais c'est je te regarde et je t'entends et je t'écoute. Et une petite et avec la petite amourette avec la. Avec Clémence. Avec Clémence, ouais, que j'estime assez pauvre, mais ça, je l'avais dit. Oui. Ouais. Je l'avais dit à Axel dès le début. Et pour cause, que je trouvais que ça n'avait pas trop épisodes. D'intérêt. Ouais. J'ai jamais compris, du coup, ce que vous en aviez fait, les mecs. À savoir du néant, à peu près. Et donc, moi qui aime Friends et ces trucs-là, tu vois, c'est quand, comme je disais à Axel, quand tu vois Ross et Rachel, tu vois, t'as envie de savoir où ça va. Ouais. Là, c'est génial que ça aille absolument nulle part. Alors, attends. Oh, mais c'est nouveau, c'est nouveau. En tout cas, jusqu'à là. Non, mais c'est ça. Novateur. Non, c'est novateur. En tout cas, ça revient saison 10 quand même. Enfin, épisode 10, pas saison 10, je m'emporte. Léger, comme une sorte de petite pincée de sel. De rappel. Ouais. Non, deux raisons. L'une est que Constance Labbé, qui joue le personnage de Clémence, ne m'aime pas. A failli dégueuler en le voyant. Devait jouer beaucoup plus, mais on a dû retirer des intrigues parce qu'elle n'était pas disponible pour cause de calendrier avec d'autres tournages. De Camping Paradis, putain de merde. Oui, c'est vrai. Camping Paradis. Et puis l'épisode où elle avait une certaine place a disparu également. Hein. Oui, voilà l'épisode de la quarantaine. En fait, l'épisode de la quarantaine, elle avait une intrigue principale qui est. Pour la première fois depuis le début et ça saute donc. Ça saute et l'épisode des Hôtéliades qui devait être qu'un seul épisode où on avait dit dès le début elle ne sera pas là mais du coup c'est devenu deux épisodes où elle n'est pas là. Elle était dans l'épisode des Hôtéliades. Ah oui c'est vrai. Et on a dit il faut l'enlever parce qu'elle a passé de... Elle ne peut pas être là. D'accord. Mais elle était... Bon, ça, c'était l'intérêt. Ça a créé la vanne des escortades et c'est pareil. Voilà, c'est ça. Mais ça manquait pour moi un peu d'amour. Non oui, et deuxième... Bah, ok, Mister Série, ça va. Et la deuxième raison... Je regarde vraiment pas beaucoup de séries donc j'ai... Non mais... Et la deuxième raison, c'est qu'en fait... Non, mais c'est une vraie... Ah, mais t'as raison en plus. C'est qu'on installait quelque chose de... On parlera de ton jeu après, mais... D'assez normal, etc. au départ. Et qu'à partir de l'épisode 6, c'est les épisodes qui partent un peu plus dans des trucs... Enfin, il y a un dictateur qui veut se suicider, il y a un robot qui vient, il y a les Hôtéliades. Donc, en fait, c'est normal, pas de place pour l'amour. La comédie a pris la place. Mais effectivement, c'est un défaut. La community, il y a toujours une petite place pour. Non, mais après, ça se cherche aussi. On a merdé. Il y a plein de trucs, faut le dire, il y a plein de trucs, et Axel, je pense, toi aussi. Enfin, on a des petites frustrations sur 1000 choses. C'est une première saison, et voilà. Ouais. Je regardais, je me suis rematé, j'ai recommencé Brooklyn Nine-Nine. Et pareil, dans Brooklyn Nine-Nine, alors c'est sur des second rôles, donc c'est peut-être moins grave, mais Boyle et. Comment tu peux recommencer une série déjà? Celle-là, je l'ai attaquée enfin. Et j'ai même pas fini la saison 1, que je fais putain, j'ai pas. Non, parce que Brooklyn Nine-Nine, faut savoir que c'est une grosse. Alors pour moi, peut-être un peu pour d'autres auteurs, mais c'était une des grosses influences de Groom. J'avoue que principalement sur la relation entre toi, Jérôme, et toi, Vincent. Putain, j'ai pensé quand je l'ai regardé, entre Andy Samberg et Boyle, j'ai oublié le nom du comédien. Et d'ailleurs, si on pouvait. Joe Truglio. Je trouve ça intéressant. Mais si on pouvait faire si tu fais un comparatif à ça, et effectivement, j'ai repensé à ça, t'avais dit ça la dernière fois, et effectivement, je sais pas comment il s'appelle l'acteur. Ouais, Joe Lo Truglio. Ouais. Le second rôle. Je trouve, il est très, très. Enfin, je trouve qu'effectivement, c'est. Vincent, il a réussi à retranscrire un vrai truc. Mais le. Comment. Et l'autre, là, le perso principal, Sandberg, il est beaucoup plus con que le Groom. Oui. Ah, bah oui, c'est un débile. Il a beaucoup plus de blagues. Et moi, j'en avais beaucoup moins. C'est vrai. Mais c'est un autre. Pour regarder le vrai. Comme on parle de ce truc-là, c'est vraiment, je trouve que justement ce truc-là, par contre, le personnage de Vincent, il est très proche de ce mec-là. Oui, mais il est plus con, par exemple. Là où toi est moins con qu'Andy Samberg, Vincent est beaucoup plus. Enfin, c'est même pas con pour moi, c'est une espèce de naïveté à l'extrême. C'est fou parce que même si tu ressembles pas du tout à lui, c'est vrai qu'il y a des trucs sans le savoir et tout. Parfois, je le vois. Moi, j'ai vu qu'un épisode de ce truc-là. Voilà, déjà. Mais sur le personnage, je sais même pas du tout. T'as pas vu Adri? Si. Je suis pas d'accord donc. Ah ouais. Non, mais je dis pas du tout que c'est. Pardon, non, moi je voulais juste dire, je me suis juste inspiré de leur rapport fan-amitié dans la fanitude que j'ai donné à Vincent envers toi. C'est trop intéressant parce que ça. Mais après, je trouve que. C'est vrai que l'autre est fan de lui, d'accord. Oui, c'était juste ce truc-là parce que moi, après, je trouve le personnage de Vincent, je te dis, a plus de blagues que Joe Lo Truglio et voilà. Mais il me semble d'ailleurs que, en tout cas pour moi, je m'étais rendu compte vraiment en cours d'écriture. Qu'il y avait vraiment des archétypes dans Groom qu'on retrouvait vraiment dans Brooklyn Nine-Nine et que pour moi, enfin en tout cas moi c'était inconscient quoi. Ouais. C'est-à-dire le côté, le rapport Boyle Samberg, qui était vachement proche de ça, Martin qui était un peu le chief, un peu. Mais c'est ça, mais c'est. En fait, Marie qui était, enfin la femme de chambre qui est un peu la meuf un peu vénère. Ouais, mais c'est des archétypes, c'est des archétypes de sitcom. Hein, mais c'est drôle ça, parce que tu peux aussi. Ouais, mais là ils étaient tous dans Brooklyn Nine-Nine. C'est un plagiat, dites-le. C'est un plagiat. Non, mais c'est aussi. C'est aussi les archétypes de Scrubs. Enfin, tu vois, dans Scrubs, tu as le modèle qui est le docteur qui est joué par ah putain, qui a son pote qui est mort, qui est Brendan Fraser. Bref, JD et Turk ont aussi ce rapport-là. Enfin, c'est des trucs que tu retrouves de toute façon dans plein de sitcoms. Parce que dès le début, nous, Axel, tu nous disais, tu veux faire une vraie sitcom avec les archétypes de sitcom qu'on connaît. Quoi. On réinvente pas la roue. Hein, ouais, voilà. Non, mais il y a des archétypes de personnages qu'effectivement tu retrouves dans plein de trucs. Dans H, enfin Sabri, Marie Lanchasse, donc la femme de chambre, ressemble un peu à Clara. Ah. Sabri, c'est un peu le personnage de Vincent. Ouais. Sabri saison 2, hein. Oui, parce que justement tu disais, ça vient de la paille. Ouais. Non, ce que tu disais, Jérôme, justement, qu'on faisait rien de l'histoire d'amour, on peut vraiment faire quelque chose dans la scénarie, puisque plein de séries, parce que c'était ça à la base mon propos, c'est dans Brooklyn Nine-Nine, ils créent une espèce d'amourette entre justement la femme un peu vénère, Rosa, ouais, et Boyle. Ils n'en font rien au bout de 6 épisodes, ça disparaît complètement. C'est vrai. Et H, c'est pareil, t'as Sabri qui est un mec normal dans la saison 1, et effectivement, dans la saison 2, qui devient une chaise en termes de QI. C'est vrai qu'à la fin de ma phrase, c'est, enfin, à la fin de mon analyse, c'est pour l'instant. Oui, voilà, c'est ça. De la saison. Après, on fera genre, c'était prévu depuis le début. Après, vraiment, pour l'instant, on sait pas s'il y a une saison 2. Donc, faut le dire. On en parle comme si on était. Mais après, on fera un Kickstarter, on fera un truc. Voilà. On le tournera live. Et puis les gens adorent payer pour voir une série, donc ils le feront avec Kickstarter. Il y avait un truc plus honnête dans la comédie qui était on veut faire un truc qui fait marrer. Et par exemple, dans Community, même si effectivement ils relancent des histoires d'amourette et tout, moi je trouve que ça se sent qu'il s'en fout d'Anne Harmon et qu'il le fait parce qu'il faut, mais que clairement, c'est pas l'objet de la série. Donc, mais non, puis il y avait aussi une discussion de se dire ah justement on va être un peu original, l'amourette on va vite la dégager, et c'est peut-être un peu dommage. J'ai aimé en spectateur. Non, ce que je veux dire c'est que notre parti pris c'était de dire ils ne vont pas finir ensemble, ce qui était généralement mais là on a abandonné il y a plus de tension amoureuse du tout. C'est vrai. Alors c'est que nous c'était le parti pris de dire ils ne finiront pas ensemble. C'est vrai. Mais voilà, mais c'est pas facile à écrire. Non non, mais c'est vrai, mais parce que moi je sais que dans l'épisode 10 j'avais essayé, je vous félicite. Non, c'est fort. Non mais moi j'avais écrit une réplique dans l'épisode 10 je veux vraiment 10 saisons qui pour moi était potentiellement pouvait relancer, enfin pour moi cristalliser un peu le rapport entre Clémence et William. C'était Clémence qui disait à William, t'en as pas marre de penser qu'à toi, et Jérôme disait à Constance, toi t'en as pas marre de penser qu'aux autres. Voilà, et pour moi c'était ça que je trouvais intéressant dans leur... Ça y est, dans l'épisode. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que d'un coup ça devient juste une réplique comme ça, mais que dans ma tête d'auteur je me disais voilà, ça prouve que quand même ils sont un peu deux antipodes et que peut-être ils vont bon, c'est des trucs qui disparaissent des fois parce qu'on n'est pas moi rigoureux. Franchement cette phrase je l'adore. Oui, moi aussi. Elle est genre de la part de des deux extra lucides et tout. Par rapport, vu que depuis 5 épisodes il y a rien eu, ça sort un peu de. C'est ça, exactement. Mais c'est de ma faute. Et l'autre chose où effectivement on aurait, je pense, pu mettre plus de comédie, c'est sur ton personnage, Jérôme. Ça fait plus vraie vie. On aurait dû un peu plus pousser le curseur. Du connard en fait. On a eu juste peur aussi. Je me souviens. Ouais. On s'était beaucoup dit bon, faut quand même qu'on l'aime bien ce gars-là. Mmh. Et c'est vrai que Jérôme devient. Je sais pas si connard ou débile. Je sais pas trop. Mais débile, on voulait pas faire non plus débile plus débile égal. Débile dans le. C'était plus inadapté au vrai monde avec les vraies problématiques. Mais c'est d'ailleurs, je trouve, les meilleures blagues sans envoyer de fleurs. Hein. D'ailleurs, la fleur que j'envoie n'est pas du tout pour moi parce que c'est pas moi qui ai eu la vanne. Mais tu vois, quand t'arrives pas à ouvrir une porte, moi, c'est les blagues que j'aime bien. C'est les blagues de gars inadaptés qui sait pas du tout comment ça marche. Et voilà. Et Vincent, toi, tu joues le rôle de Thomas. Non. Pareil. Putain, les gars, je suis dans le prank en permanence. Non, ça me fait pareil, c'est vrai, même en jouant, en faisant le con avec tout le monde. Je m'étais pas rendu compte en lisant, mais c'est vrai que je m'étais dit ça quand on a joué et que j'étais avec Jérôme. Je me disais, putain de merde, c'est nous les fous là. Et c'est plus lui qui est arrivé chez les dingues qu'un gros dingue qu'on a foutu dans un commissariat avec machin. Ouais. Mais c'est quand même un gars qui est adapté à la normalité et nous on sait le faire et lui il faut qu'il l'apprenne. Ouais. Je me suis dit ah ce double kick me plaît. Je suis un peu fatigué, c'est pour ça que j'ai du mal à parler. Non mais t'inquiète, mais c'est aussi le truc de fish out of the water. Sauf que là la water est un fish aussi quoi du coup. Ouais. Non mais en gros effectivement théoriquement le personnage qu'on suit débarque dans un univers qui est complètement différent de lui. Donc c'est lui il est censé débarquer dans un hôtel normal sauf que il est ouais, parce que sinon la série serait chiante à crever si tous les autres personnes en genre allez donc là mon petit, ce serait une docu-fiction quoi. Vous faites n'importe quoi, mettez vos chaussons, mettez vos celui qui est censé être le plus fou est finalement moins fou que les gens qui sont censés pas être fous quoi. Mais effectivement mais c'est une comédie donc il a sa dinguerie et tout, mais c'est vrai, c'est ce que je m'étais dit, on parlait de blague pardon et je vais couper tout. Et donc on parlait de Thomas. Mon petit frère m'a reparlé de ton personnage ce week-end, qui m'a reparlé de un toon dans l'hôtel quand tu fais un toon dans l'hôtel. Et ça c'est C'est Roger Rabbit, non? Roger Rabbit, c'est ça. Tu fais un tout dans l'hôtel. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Et la voix, ouais. Ouais, un tout. Il y a une voix de Disney où tu Oui, c'est quoi, ça. Mais je pense ouais. C'est la voix, du génie toi. Dans. La voix du ouais. Génie dans. Oui, allez. Ouais, c'est ça. Richard Darbois. Ouais. Energy Music Awards. C'est Richard Darbois qui a Bienvenue une petite courante. Sur Guttural FM. Guttural FM. 100% glotte. un petit coup de bécotide et c'est reparti. Je rappe très très mal. Je suis le pire rappeur. Voilà. La preuve par 3. Ah ouais, j'ai un vaisseau qui a pété. Sur le mollet. Qu'on parlait avant. Ouais, Thomas. Vraiment, j'ai adoré. Je vous en remercierai toujours. J'ai kiffé. On a ri, putain. Et c'était n'importe quoi. Axel m'a toujours dit de sur le tournage, il y a un chat qui vient de passer. J'ai dit ça sur vous. Le tournage. me disait de pousser les curseurs. Ouais. Un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps et tout, machin. Mais à la fois, ça fait un peu peur parce que. Oui, c'est un personnage vraiment cinglé, quoi. Ouais. Puis souvent, dans des sketchs comiques, dans des trucs comme ça, on se dit, plus on joue un truc sérieux, si tu fais un flic super sérieux et posé, ça rendra le truc d'autant plus drôle, quoi. Et là, fallait oser faire de la pantomime. Ah, mais c'est un personnage hyper casse-gueule, parce que ce personnage du débilos, s'il est réussi, c'est le personnage préféré de tout le monde. C'est genre Perceval dans Kaamelott, quoi. Ouais. Parce que il est très réussi. Et toi, dans Groom, c'est le cas. Et en revanche, si tu joues le débile mais que tu le fais mal, j'hésitais vraiment à faire. T'es ridicule. Non, mais je me suis dit, si c'est raté, il y aurait un exemple. On va avoir du monde derrière. J'ai une œuvre. J'ai pas de. Non, je crois pas. Je pense pas avoir d'exemple. Mais si tu rates, tu fais le débile et tu rates. T'es juste un gars qui fait et c'est pas drôle, t'imagines, c'est ouais, la honte, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vraiment là, pour le coup, c'est qui te double. Et ouais, je vraiment, et c'est pas pour bah, t'as doublé, t'as doublé, fausse modestie, t'as triplé. C'est pas ça, c'est déjà, on s'en fout. Donc, Bon, Gainsbourg. Gainsbourg. Les mecs, on les connaît. Je fais toutes mes imitations. Thomas dans Groumeux. Attends, on va refaire ça. De quoi je parlais? Non, pas de blabla. C'est bien écrit, surtout. C'est ça qui est pas drôle. Surtout, Non, mais c'est bien écrit. Il est rendu attachant parce en revoyant la série, je me suis dit, ah, c'est pour ça aussi qu'il est attachant, à mon avis. C'est parce que tout de suite, tout le monde le materne gentiment. Un petit truc planqué là. Selim, qui a l'air complètement fou et violent, le materne en disant, non, explique-lui avec des grosses lettres, machin. Ouais. Les gars, il faut m'aider ce soir, j'ai trop fatigué. Non, t'inquiète. Mon cerveau est à Melun, c'est loin ou pas? Ah, si, c'est pas à côté. Bon, bah, j'appelle un Uber. J'ai pas l'appli, j'ai pas d'argent. J'ai même pas l'appli. Et donc voilà, non, bien écrit. Je oui, mais ça, vraiment, c'est de la caractérisation. Plein de trucs. Bien, voilà. C'est pas ta mais performance. C'était ta performance, c'est ouais. Ça qui fait que c'est réussi et que. Oui, c'était beau déjà réussir à me lever le matin. Non. C'était trop bien ce tournage dans cet hôtel. Et. D'être avec Jérôme. Si, est-ce que t'as ajouté. Jouer avec Jérôme, c'était à l'écriture aussi. Un truc que j'attendais depuis très très longtemps. Et tu l'as vraiment fait dans le manoir, juste avant. Mec, c'est faux. Ah ouais? Non, mais dans le manoir, on n'avait pas tant de scènes ensemble que qui ça. Il ne m'aimait pas. Et le personnage. J'aimais personne dans le manoir. Donc, on peut moins l'occasion de faire les cons comme ça. D'accord. Après, c'était du kiff. Non, mais en plus, c'est drôle parce que tu, en vrai de vrai, en plus, t'as donné une espèce de cohérence au perso parce que c'est vrai qu'on avait des certains degrés. Ah oui. Axel aussi, vous avez un peu le maître d'orchestre vis-à-vis de ça parce que les trois auteurs avaient un peu chacun leur degré de débilité. Maestro. Franchement, du tout. Je trouvais qu'il y avait trois Thomas, ça se voyait quand je lisais les textes parfois. Je me disais, putain, celui-là, c'est plus Flo qu'il a écrit. Ouais. Moi, c'était mon gros stress, surtout sur le personnage de Thomas. C'était, on n'a pas eu le temps de faire les lectures répètes qu'on voulait et on n'a pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps, moi, de faire un lissage des dialogues assez complet parce que vous, effectivement vous avez trois manières d'écrire différentes. Du coup, il y a pas trois Thomas, quoi, que ce soit que non, ça reste un Thomas. Ouais, mais en fait ça m'a appris un truc, c'est ou alors que c'est une autre série, quoi. C'est il y en un truc qui avait un accent africain. Là j'ai dit je le retire, je veux pas le faire. Non, mais ça m'a appris un truc, enfin en tout cas sur ce personnage là qui est les disparités, finalement, comme elles sont interprétées et remises à la sauce d'un comédien qui quoi qu'il arrive, et qui en plus écrit, qui aussi. Qui propose des trucs et qui le dit quoi qu'il arrive dans les mots avec lesquels il est à l'aise. Ça, le comédien uniformise les variations qu'il peut y avoir dans l'écriture et ça apporte plus une richesse qu'une incohérence. Voilà, notamment le personnage de Jérôme qui a été écrit par ma mère sur 4 épisodes. Vulgairement, j'allais dire surprise. J'allais dire la mienne n'était plus dispo. De elle, par son décès. Au pied levé, elle a remplacé. Et les pieds devant la mienne, pardon. Voilà. Deux pieds devant. Et l'autre pied qui était déjà dans la tombe. Excusez-moi. Allez, pardon. Non, t'inquiète pas. Non, mais en même temps, écoute, et je ne crois pas à la vie après la mort. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ou alors une vie plutôt nulle, puisque t'es enfermé dans une boîte. Non, elle a été incinérée. Je veux dire, ou calcinée, excuse-moi. Vincent. Ah, j'ai hâte qu'on meure tous, qu'on en reparle. Vincent, ça va être dur d'en se relancer, mais. Je voulais dire, ça marche moins bien, ma phrase. Mais attends, je vais la faire comme si c'était juste après. Et en même temps, j'avais que ça à foutre. Ah, l'impact est moins violent. J'avais que ça à faire de m'occuper du perso. C'était mon taf quoi, de juste faire ça. Donc je me disais, il paraît que vous galérez demain à avoir un pull en diamant. Je dis, bon courage. Moi, je m'occupe que de ça. Donc, il n'y avait pas d'incohérence de fou. Quoi. C'était tout le temps des micro-trucs où je me disais, tiens, il n'est pas censé avoir de famille, donc là, il n'a pas de frère. Il était censé être dans la campagne, donc là, on va retirer. Des micro-trucs comme ça. Ouais. Et après, Axel qui, derrière, me disait tout le temps, fais plus. Je dis, je viens de vomir quand même. Peut-être beaucoup. On a le droit sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas à parler à ma place. Non, mais justement, moi, je voulais juste dire, avec tout mon cœur, que je suis très content que vous soyez tous les trois ici, parce que c'est les trois persos que j'ai adoré écrire des blagues de vous, et ça a été des fois un crève-cœur de les couper. Moi, je me souviens d'une blague sur couper des blagues. À toutes tes blagues. C'est uniquement celle de Jérôme. D'accord. Il y avait une blague qui a été coupée pour cause de production. C'est genre tu sur les Othéliades. Je l'ai dit parce que c'était de moi et je l'aimais bien, donc je l'ai dit parce que je pourrais plus jamais la mettre. Où tu lisais le bouquin de Adrien pour comprendre les règles des Othéliades, et il y avait tout un plan un peu mis en scène où il l'apprenait toute la nuit. Tu voyais le soleil se lever. Genre, il était très fatigué. Il fermait le bouquin. Il fait. J'ai rien compris. Ouais. J'aimais bien cette vague. Eh ben moi aussi. C'est quand j'en ai jamais entendu parler. C'est parce que je me serais battu si j'en avais entendu parler. Merci. Ah oui, mais ça gâchait la surprise de la fin il avait lu le bouquin. Oui. C'est ça. Non, mais c'était des trucs de voilà. Ah oui, il aurait fallu réarticuler, bien évidemment. et donc Adrien, parce que tu es auteur. Oui, tu es auteur. Vite fait. On le saura. Mais tu es également chef pisto. Exact. Et tu vas d'ailleurs faire une salade. Non, et tu es comédien. Alors toi, c'est assez rigolo parce que du coup, et lequel ? Tu as écrit évidemment pour Adrien, tous les personnages, mais tu as aussi écrit pour toi, qui j'imagine un exercice un petit peu que tu as déjà fait, mais qui est toujours un peu particulier. Oui, il le fait tout le temps. Ouais. Ça va. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment, moi j'adore en fait écrire pour moi parce que en fait c'est marrant parce que j'ai fait récemment le parallèle où à l'époque où j'étais dessinateur. Où je suis pas un très bon dessinateur, mais du coup j'écrivais mes BD. Ta gueule, j'étais en train de boire du coca. Ta gueule. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas un virtuose, je peux pas tout dessiner, je peux pas faire des perspectives. Comparé à Uderzo, c'est pas ouf. Non, mais voilà, il y a des gens. Ce que j'ai dit, ouais. Il y a des gens qui sont brillants, qui savent faire des paysages, des trucs hyper compliqués. Moi, non. Van Gogh. Voilà. Et quand j'écrivais mes BD, je les écrivais en sachant ce que je savais dessiner, ce que je ne savais pas dessiner. Et là, c'est beau. Et là, c'est la même chose en fait. Quand j'écris pour moi, déjà je sais quel genre de phrase je vais pouvoir sortir, machin, etc. Ce qu'on fait quand on écrit. Tu te le mets déjà en bouche, je veux dire. Tu te mets déjà en bouche le texte avant de pouvoir le. Vous êtes Jean-Luc Godard ? Non, c'est Luc Besnéard. Je croyais que c'était Besnéard. Ah, c'était Godard ? Je suis vexé. Ouais. Je croyais que c'était Daniel Prévost. Enfin, j'aurais été comme ça, j'aurais pu parler comme ça. Ah oui, d'accord. Oh la vache. On fait que des imitations, Vincent. Vas-y, imite des trucs. Ok. Non, non. Kermit. Tout à l'heure, l'autre jour, j'ai trippé sur un mec des Simpsons. Tahiti Bob. Bart Simpson. Et je me suis dit, on dirait Amon Dalyr, mon gars. C'est qui? C'est Tahiti Bob. C'est Tahiti Bob, ouais. Ah, c'est Tahiti Bob. Un épisode de Groom saison 2 où Vincent fait des. Vincent est plein de persos. Il parle espagnol déjà. J'en ai des nulos. Oh, pas terrible. Si. Ah non, mais j'avais des mots écrits. J'étais content que vous gardiez ces scènes de. Très drôle. Même si le japonais mexicain n'a plus aucun sens. Vraiment. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, ça a du sens. Bon, non, pas tant. Au final, pas tant. Donc, pardon, Non, Parler, oui, tu t'écris des trucs pour te les mettre déjà en bouche, limite, tes textes pour jouer. Enfin, non, mais en fait, évidemment, ça vient plus naturellement parce que, bah, parce que c'est moi, la personne, quoi. Et, donc, pour moi, c'est. Même si, en vrai, finalement, le personnage de Martin, c'est pas vraiment un personnage que j'ai. Bah, c'est un personnage de Brooklyn Nine-Nine, déjà. Là, on se rend compte que depuis le début. Non, non, mais c'est un mec un peu guindé, un peu balai dans le cul et tout. En tout cas face au client, et c'est pas forcément un personnage que j'avais joué par le passé, donc, mais quand même, du coup, voilà, je savais que ce que je pourrais jouer, ce que je réussirais à rendre drôle ou pas, donc et envie de faire aussi, ouais. Et non, mais en plus, du coup, bah, c'était hyper parce que jusqu'à présent j'écrivais pour du sketch essentiellement, et le fait est qu'on savait pas vraiment au moment de l'écriture qui allait jouer, donc et là j'avais l'avantage de une grosse majorité du casting, je savais qui allait jouer, et du coup c'était le cas pour tout le monde, mais de pouvoir se dire, ah bah là c'est Jérôme qui va le dire, là c'est Vincent, machin, etc. Et ça, c'était une super plus-value par rapport à ce qu'on écrivait avant, où on écrivait en disant bon bah on verra qui on caste après, mais là c'était dans l'autre sens, c'était agréable. Donc une expérience enrichissante et kiffante. Absolument. Non, mais parce qu'effectivement l'épisode qu'on a dû réécrire pendant le tournage, à ce moment-là, on connaissait tous les comédiens. Ouais. Et je trouve qu'il y a une couche supplémentaire qui se retrouve dans l'écriture et qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, ouais, les dialogues des comédiens qu'on ne connaît pas leur collent mieux. Voilà, Marie Lanchasse qui déglingue. Elle est folle. Trop forte, qui est trop bien. Et tout le monde est génial. Hein, ouais, tout le monde est génial. Ménage, ouais, la femme de ménage, ouais. Mais c'est vrai que j'ai envie de citer femme de chambre dans un hôtel 5 étoiles. Vous la connaissez, du coup, vous l'aviez castée. Oui. On la connaissait. Oui, pas. D'ailleurs, c'était une question que tu réponds un peu à une question qui était posée. Les gens pensaient qu'on connaissait absolument tout le monde et qu'il n'y a pas eu de casting parce qu'on a invité que des copains. Ah, si. C'est faux. Moi, vous m'avez appelé un peu tard quand même. Ah oui. La veille. Non, mais un peu tard quand même. Oui, oui. Et il y a eu des castings de fait, Axel. Sur le, alors, sur certains rôles, oui, sur le rôle de l'escorte, il y a eu un casting de fait. Ouais. Après, donc Constance Labbé qui a été prise. Est arrivé au tournage donc d'une série qui a été notamment écrite par Adrien, avec qui elle avait déjà joué, dans laquelle il y avait Jérôme, avec qui elle avait déjà joué dans un court-métrage que tu avais écrit. Et son personnage pour le casting s'appelait Constance. Elle s'est dit, bon, les mecs, dites-moi quoi, quand vous voulez que je joue. Voilà. D'ailleurs, elle est venue, elle fait, je joue pas, ce sera moi, donc je ne joue pas. Voilà. Le personnage du Spa Manager a été casté également. Et le personnage de la femme de chambre, Marie Lanchasse. Marie Lanchat. Ouais. Ah, c'est Marie Lanchasse, pardon, excuse-moi. Mais qui est enfin, tout le monde met. Et Nassim Siamed pour le Spa Manager. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, j'ai eu plein de questions. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Vas-y, moi. Je veux pas te couper pour machin et en plus pas rallonger. Mais j'ai envie de poser la question. Et si ça devait être joué par d'autres comédiens, qui choisirais-tu? Bah oui. Non, mais ne faisons pas ce jeu. S'il y avait un remake US. Ah bah, s'il y avait un remake US, moi je peux dire déjà pour Thomas, puisque moi, ma rêve que j'avais en tête, c'était Steve Carell dans Anchorman 1 et 2, dans le rôle de Brick Timeland. Je trouvais qu'en fait. Je ne veux pas voir une version avec ça, parce que je serais deg d'avoir fait moins bien. En fait, ce que j'aimais beaucoup dans ce personnage et que je voulais, enfin, qu'on voulait tous, mais enfin, moi j'avais en tout cas Brick Timeland dans la tête, c'était la débilité. Mais joli, pas le débile de oh qu'il est con, c'était une espèce de naïveté un peu, ouais, enfantine, ouais, ouais. Une espèce de bon bah il est très très bête mais il a 8 ans et demi donc en fait c'est pas si grave. Un des mots clés pour le personnage de Thomas, c'était un chien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu. Mais c'est vrai. Bah, oui. C'est des personnages qui existent souvent. C'est le chien, c'est-à-dire hyper loyal. Il est partant pour tout. Il est pas méchant. Pas toujours. Pas méchant, mais des fois il est con. Quoi. Et des fois il pisse partout. Donc, voilà. Et je fais une dédicace à Moustique, mon labrador qui est décédé et que j'adorais. Et il y a beaucoup de lui. Blague qu'on m'a censuré d'ailleurs. T'avais un chien qui s'appelait Grégory Le Marchal à la base. Bah, il s'appelle Galabru. Il s'appelle Galabru maintenant. Ouais. Oui, c'est vrai. Que c'est pas ça. Ça passait mieux un vieux apparemment que Grégory Le Marchal. Ouais, alors qu'il était vivant. On est obligé de le tuer pour que sa blague marche. Oh, chut. Je voulais juste aussi dire parce que j'ai vu un truc qui m'a fait beaucoup rire et du coup ça va nous permettre de parler aussi un peu des. Ça ressent le boboon là. Ça ressent le boboon. Bon. Jérôme, pardon, tu sais que c'est une émission qu'on fait pour les gens là-bas. Alors, quand même, ce que je voulais dire, c'est que c'est fou parce que je me disais faire une émission là sur Groom et tout, on en a déjà parlé de nous, toujours en privé et tout. Ouais. Mais en fait, je trouve ça trop bien. Bah oui, et puis de parler sincèrement, parce non, que moi même, je me dis, après, bon, Groom, on va pas survendre la série, mais moi je me suis toujours dit. C'était passable. non, mais je me suis toujours dit, les séries que j'aime bien, j'aurais aimé que des gens en discutent autour d'une table assez librement. Bah, je te félicite. Non, mais en plus, nous, on en a déjà parlé. Ouais. Vous l'avez écrit, on a joué dedans, on en a parlé en off, je t'entends pas, Adrien, je t'emmerde. Je sais pas ce qu'il dit encore comme. On a un casque anti-bruit sur la gueule. Non, mais aussi, il est allé pisser, il parle mal aimable. Il est mal aimable. Il est mal aimable. Et là, je me surprends à trouver ça trop cool d'en discuter. Et pas dans le sens genre, eh, oh, vous avez vu comment. C'est trop. Ouais, c'est intéressant. Bah écoute, bah, on en parle librement. Donc, si je peux me permettre de commenter ce que dit Jérôme, où on a quand même bossé longtemps que à deux pendant nos premières années, je trouve la complémentarité assez intéressante dans la mesure où, au même moment, j'étais en train de me dire, mais est-ce que ça intéresse quelqu'un ce qu'on est en train de faire? Vraiment, je vous jure. Soit le parfait inverse. Le mec, il clique, il décide que si. Oui, oui, ils le savent. Hein. Je dis bien pas sûr. Forcément que c'est intéressant, mais je dis que moi, ça m'intéresse et je pensais que ça allait, on allait faire le taf et tout, mais je me retrouve à bien écouter Adrien quand il dit pas de la merde. Et c'est trop bien. Enfin, c'est bien. Non, mais justement, je voulais en profiter pour parler un peu largement de l'équipe. Il y a une question qui m'a fait plutôt rire, qui m'a dit quand même, est-ce que ça vous a pas facilité les choses de tourner pour une fois en studio? Et il faut savoir qu'en fait, absolument pas. Ça n'a pas du tout été tourné en studio, Axel. C'est génial. Bah, à part le plateau de télé qui est un vrai plateau de télé. Oui, de Sport dont on se bat les couilles TV, ouais. Tout est tourné dans un hôtel réel et qui plus est ouvert. Voilà. Ouais. Ce qui fait partie des trucs qui fait que l'épisode qu'avait écrit Robinson la quarantaine était vraiment pas possible. Oui. Parce qu'il fallait mettre des draps géants devant la porte d'entrée. Des bâches. Tous les murs et toutes les fenêtres étaient recouvertes de bâches. Ouais. Ce qui là, on aurait peut-être poussé le bouchon un peu loin. Déjà, surpris qu'un hôtel de ce standing accepte que genre on ait des projos dégueulasses et du matos entreposé non mais dehors mais dans l'entrée même parce que tu rentres c'est quand même un bel hôtel Axel non mais le grand hôtel est habitué parce qu'ils ont tourné le clip de Tina Arena exact et que j'ai vu une bande annonce de film je suis allé au ciné et le nouveau Michel Blanc ou Jean-Paul Rouve est tourné dans le même hôtel et oui mais mettre des voilà c'était pas fermé et surtout moi j'étais vraiment surpris qu'ils aient accepté parce que c'est un bel hôtel c'est un bel endroit et tu rentres t'as t'as Axel déjà qui est complètement accroupi sur sa chaise en train de jouer avec sa bague et ses cheveux tu te dis bon qu'est-ce que c'est que cette histoire il y a Théo Théo qui n'est pas rasé avec les cheveux bague que j'ai perdu oh non dans un taxi qui nous a proposé de la coke et de la vodka c'est dans ce taxi là oui et du coup tu l'as perdu parce que tu as sauté par la portière en route parce que tu avais peur il a dit j'ai pas de thune mais j'ai bien de la coke je prends cette bague tu l'as perdu mais... ouais je suis dégoûté bon bah tu es c'est... la bague c'est la merde d'Adrien il y a Adrien il y a un jeu qui n'arrête pas de te couper la parole pour les anecdotes très personnelles c'est le jeu qu'on a annoncé c'est pas très personnel non mais j'interromps tout le monde en plus donc il n'y a pas de problème oh là là le mec devient complètement gentil qu'est-ce que regarde il est tout doux dans son regard c'est vrai ça il est allé chier je sais pas ce qui s'est passé mais regarde mon gars je l'ai quasiment jamais vu comme ça j'ai presque envie de le serrer dans mes bras on dirait un poème vous voyez rien il est en train de se transformer c'est ton regard qui a changé Jérôme parce que je suis toujours très sympa tout ça oui tout ça, mais voilà il m'a c'est un gremlin c'est inversé non mais voilà ce que je voulais dire par là pardon ce que je voulais dire par là pour parler de cet hôtel qui n'était pas fermé pour saluer tout le travail des équipes et images et production et peut-être qu'on peut en parler quand même mon bon Axel Malivernet. Ouais, alors en production, il y avait donc Lorenzo Benedetti le producteur, Gaëlle Oba qui était la productrice exécutive, Sarah Gélin qui était la directrice de production. Après sur les il y avait Clara Lesage qui était chargée de production et il y a l'équipe technique. Images tout ça, il y avait combien de personnes à peu près sur un tournage comme ça? Par poste, il y avait bien deux personnes à chaque fois. Il y avait tout le temps. J'ai l'impression qu'on était. Non, mais il y avait quand même un peu de monde. Je pense qu'on était sur le plateau, on était une vingtaine. Ouais, je crois qu'on avait compté, c'était 28 à un moment, genre si on retire les comédiens, etc. Ouais. Ce qui est plutôt bon signe de projets qui prennent en ambition et en envergure, etc. Donc nous, on n'avait jamais travaillé avec une équipe aussi grosse. Ouais. Mais vous avez quand même gardé beaucoup de gens qui étaient des historiques, entre guillemets, du Beagle. La production, c'est les gens qui bossaient sur des sketchs Beagle depuis longtemps. Yasmina Chambenois en assistante réal. Oui. On peut citer Mélodie Collange en costume. Costume. Oui. Voilà. Le chef opérateur, c'est celui de Théo qui a fait beaucoup de sketchs pour Beagle. Pas que celui de Théo, parce que c'est également... celui qui a fait Groom Service Canal, voilà. avec Ludoc. Avec Ludoc en réel à l'époque. Vincent Viard Baron. Voilà. En fait, quand tu... Marjolaine Vial au maquillage, enfin, il y avait plein de gens, quoi. Y avait oui, plein de mais gens, en fait, ouais. quand tu montes... Mélo Coco. Ouais. Quand tu montes en projet, il y a toujours la question de est-ce que tu vas travailler avec des nouvelles personnes. Mélo Coco. Quand tu montes sur des nouveaux projets, il y a toujours la question de est-ce que tu t'entoures de personnes qui ont déjà fait ces projets ou est-ce que tu as envie de... continuer avec les gens avec qui t'as commencé. Comme et Mélo Coco, par exemple. Comme Mélo Coco. On l'a dit ça, quoi, bordel. Et là, en l'occurrence, on, à 95%, non, à, 80, enfin, à 80%, ça a été de s'entourer des gens avec qui on a tous commencé. Et parallèlement, on a également découvert de nouvelles personnes. Et Mélo c'est Coco. Hyper enrichissant. écoutez, j'ai une flopée de questions. Donc voilà, je vais vous les dire. C'est le flop et puis, casse, de l'autre quoi. Coco. donc, qui a fabriqué la casquette Lego de très bon goût? Mélo Coco. Génial. Qui a écrit le rap d'Adrien contre Robotel? C'est moi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rap, s'il te plaît, Adrien? Alors, avec plaisir. Parce que, rappelons peut-être, si les gens découvrent ce podcast avec cet épisode. Je représente le vrai hip-hop. Ah merde. Ah non, t'inquiète pas, je l'avais. J'avais les rêves, j'avais la rêve. Je suis fan, j'ai un t-shirt flow de casse, vous le voyez pas. C'est pas vrai. Je voudrais qu'il y ait des mugs. Ah bah, j'adorerais. Mais moi, c'est... anniversaire. Parce que l'épisode 7, c'est vraiment... Parce que souvent, dans les épisodes, c'était un pitch proposé par une personne. Enfin, par exemple, ce que je veux dire, c'est... Il y a trois intrigues, en fait, je veux dire, dans chaque épisode. Une intrigue principale, une intrigue secondaire et une intrigue très légère en troisième. Et parfois, les épisodes, là, c'était... la mienne. Sympa. Non, mais je veux dire, souvent, c'était... Enfin, parfois, c'était l'intrigue A, c'était une idée de Flaubert, l'intrigue B, c'était une idée de Robinson et tout. Et là, c'était vraiment mon épisode. Robotel, moi, je n'ai rien écrit dessus. Mais genre, c'était vraiment les trois intrigues. C'était... Non, je crois que l'intrigue C, c'est une idée d'Axel, je crois. Le fait que Thomas, lui aussi, luttait contre une machine, il me semble. La seule idée que j'ai eue sur la série, je pense. voilà, on se souvient pas, il me semble. Mais ouais. En tout cas, c'était vraiment deux idées que j'avais eues séparées, qu'on a mixées et tout. Donc, c'était vraiment mon kiff et donc notamment mon kiff de pouvoir écrire un rap. Donc j'ai écrit le rap de Robotel et celui de Martin et je l'ai écrit d'ailleurs petite aussi anecdote l'instru quand Robotel rap, c'est moi qui l'ai faite parce qu'en fait j'avais pris mon petit synthé fait moi j'avais écrit l'épisode Robotel mais j'avais mis dans le texte Martin chante son couplet puis Robotel chante son couplet et fin du truc et au bout d'un moment on m'a dit faudrait vraiment écrire les paroles parce qu'on va devoir le tourner ce truc et donc en fait pendant un de mes jours off sur le tournage j'ai écrit le rap de Martin et le rap de Robotel et pour pouvoir poser ton flow tu voilà peux exactement le dire. J'ai dit bon bah je vais composer une petite instru pour Robotel et machin etc et en fait elle a été gardée donc c'est deux trucs que j'ai écrit pendant le tournage. Ça sème mon pote. Combien de BPM? Et ouais mon gars 100. Ah. Et ben j'ai voulu te piéger. Je parlais du film. Je suis pas voulu te piéger. Je suis pas un piégeur. Et non, et il faut savoir que à la base, il y a deux types de rap. Non, mais il y a en fait là, ça a été monté, ça a été raccourci pour des raisons de durée d'épisode. Mais à la base, il y a un couplet de Robotel, un couplet de Martin. Enfin, je crois qu'il y a, je sais plus, il y a trois couplets de Robotel. Au moins quatre passages de rap. Ouais. Oui, je me souviens. L'épisode faisait 82 minutes. Il existe un album. En fait, il y avait vraiment une montée. En fait, l'idée, c'était que d'abord, Robotel clashait William. William n'arrivait pas à rapper. Martin arrivait, chantait un couplet. Là, tout le monde faisait oh! Ensuite, Robotel rappait un deuxième couplet. Martin rechantait. Pour vraiment le provoquer encore plus. Et c'est et là, enfin... Eminem arrivait. Non, et c'est sur le troisième couplet de Robotel que là, il pétait un câble et il insultait de l'humanité. Voilà. Et on se rendait compte que c'était un enfoiré. Voilà. Et ça a été compressé en un couplet chacun. Quoi. Ouais, non, enfin, deux couplets de Robotel, un couplet de Martin. Donc en gros, il y a beaucoup plus qui a été écrit en rap. Mais je me souviens, je trouvais que c'était trop, moi, je te disais. Ah bah, l'épisode faisait minuter, il faisait 29 minutes. Ouais. Et on était sur un format 22. Donc il était trop long. Ouais. Mais c'était ça faisait un clash infini quoi. Non non mais bon on est sur des reproches donc c'est ça. Intégralement. Mais c'était intéressant. Effectivement, on avait écrit une tartine. Non non mais c'est vrai que en fait parce que lui quand il commence à rapper il peut plus s'arrêter. Moi c'était surtout en termes de narration que c'était plus intéressant que ça monte. Mais effectivement j'aurais dû écrire des couplets plus courts pour que ça. Mais en même temps un couplet trop court tu te dis bah t'as dit deux phrases mon gars. C'est comme mais donc au final ça marche. De quoi ? C'est comme un ciel sans nuages. Je suis auteur de. C'est comme un bouquet sans fleurs. Mais, alors. C'est une réplique de groupe. Bah ouais. Mais voilà, et on fera en contenu additionnel. Le clash dans son intégralité. Bah, c'est un épisode de saison 2 de Groom où tu rappes pendant 22 minutes. Mais, YouTube, ils veulent du contenu additionnel. Et bah, le rap, voilà, le clash dans son intégralité. Il y aura le concert, le concert Groom, de toute façon. Il y avait vu qu'il y a 1000 chansons dans cette série. Axel Malivernet, à quand le making-of ? Y aura-t-il un making-of ? Oui, j'ai cette même question. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui venait nous filmer pour faire un making-of pendant le tournage et on n'a jamais rien vu. Entre les prises, j'étais pas commode. Moi, j'étais. T'as giflé la maquilleuse. Petite info, j'étais pas comme. Non, c'est pas ça. C'est une vraie chiasse. Je me souvenais même plus. Une vraie chiasse, ouais. Ouais, j'étais odieux. J'avais mon petit surnom, Daniel L'Odieux. Je me rappelle juste que j'avais pas dû faire trop de blagues au making-of, là, parce qu'on était. Non, mais c'est vrai que le making-of a été filmé, Axel. Oui, oui, oui, il y a un making-of qui a été filmé, effectivement, par Florence Abbatier. Néanmoins, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Ouais, qu'on demande. Ce making-of était une demande. Enfin, il y avait un besoin d'avoir certains types de contenus, etc. Au cas où. Néanmoins, si on avait pu faire un making-of, à la base, on voulait faire un making-of, disons, plus grand qui nous suit sur plus de phases de la série, oui, etc. Oui, de l'écriture, en fait. Ouais, dans un idéal absolu. Néanmoins, je suis mitigé. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Moi, j'aime bien quand on voit pas l'envers du décor sur cette. Moi, en fait, j'aime le voir chez les gens, et quand je fais un truc, j'ai pas envie. Ouais, en fait, je vois tous les. Enfin, moi, ça me passionne, et les commentaires audio des réals et tout, ça me passionne. Néanmoins. Peut-être un podcast pour parler de la série, quoi. Peut-être. Faudrait. C'est pas ce que tu dis. Mais en fait, j'ai l'impression que ça. Tu t'auto-désacralises un truc. Pas sur nous, hein, mais sur. Quand tu mates un truc de ciné et tout, tu t'auto-désacralises un truc volontairement, quoi. Ouais. Oui, mais après, c'est chacun a la liberté de regarder le truc ou pas. Bah oui, bah après, écoutez. Bon, en tout cas, il y a peut-être un making-of qui sortira, on n'en sait rien. Bêtisier, moi, j'ai une question comme ça qui me vient. Je sais pas, je pense que c'est pas plus. Bêtisier, un bêtisier serait bien. Un peu technique. Ouais, ça serait voir cool. Quand Nassim me met une gifle et me. T'ouvre le. Involontaire. Front. C'est la scène des Hôteliades où Selim va faire l'épreuve de relation client. Il se met des gifles pour se motiver. Et en se mettant des gifles, il m'a mis une gifle dans la gueule. Il m'a ouvert avec son ongle, m'a ouvert le menton. Je rappelle qu'il a des ongles de 80 cm. J'ai saigné. Et j'ai qu'il saigné. Est champion de France de boxe. Oui, donc oui, ça voilà. N'aide pas. Oui, il est très puissant. Est-ce que chacun autour de cette table peut dire son épisode préféré ? Jérôme. De Friends, par contre. Tourist. Ouais, c'est ça. Alors, mon épisode préféré. Moi, le double Hôteliade. Ouais, je crois que c'est. Moi, j'aime bien double Hôteliade aussi, ouais. Donc le 8 et 9. Et surtout, en plus, vu l'histoire de double Hôteliade, c'est d'autant plus. Enfin, je sais pas si ça joue vraiment, mais c'est rigolo, en plus, l'histoire de la construction de ce double épisode. Mais de toute façon, même sur l'idée du pitch de base, je le sentais très bien, quoi, de base. Et après, les blagues que vous avez foutues dedans, du coup, c'était parfait. Foutues dedans. Axel ? En tant que spectateur, le double Hôteliade, sans trop être capable de. Si, peut-être le premier, je sais pas. Ouais. Et en tant que. Showrunner. Dans le travail, disons, je suis très fier et très heureux de ce qu'on a réussi à faire et de l'épisode qu'a écrit Adrien pour l'épisode 1, où on présente les personnages sans que ce soit. Ok, donc là, c'est la scène où on découvre ce mec-là, etc. Je trouve que c'est assez organique dans l'évolution du problème de Jérôme. C'est vrai. Dans l'épisode, hormis, bien sûr. Oui. Donc, ton préféré, c'est l'épisode raciste, quoi. Non. j'allais dire, hormis donc le passage. On se retrouve pour un prochain. Je précise qu'à la base, le personnage s'appelait Franck. Voilà. Ça n'avait rien de raciste au moment où je l'écris. Mais il y avait qu'ensuite. Et le deuxième épisode qui en structure je trouve est excellent, enfin Ouais. En tout cas, moi, je suis très heureux que tu l'aies écrit comme ça. C'est l'épisode 2 où je trouve que c'est celui qui lance la partie sitcom de la série et qui rythme, enfin, où les rythmes intrigue A, intrigue B, intrigue C est le plus efficace. C'est les mensonges et oui, la star. Dire, oui, les mensonges. Avec Louane. Donc, je vous félicite et je vous remercie pour. Oh, c'est pour gentil, Axel. Ouais. Merci beaucoup. Et toi, Adrien ? Je pense, je dirais les. En fait, j'adore. J'adore les Otéliades, mais je trouve que il y a des trucs qui fonctionnent pas. En fait, je trouve que la fin, la façon dont William gagne, c'est un peu des trucs qu'on a dû. On a oublié de tourner un plan. Oui, enfin, il y a vraiment une fin qu'on a dit. On a un peu improvisé sur le tournage parce que machin. Et du coup, je trouve que il manque ce truc un peu jouissif de il a gagné parce qu'au final, il aurait gagné. Voilà, le truc, c'est en fait, il colle. Donc, spoiler. Hein. Mais il colle l'autocollant sur le badge, mais en fait il aurait gagné sans le faire ça ne sert à rien ce truc et la morale est et comme sur toute la série pas ouf. Alors moi c'est ce que je préfère de la série. Moi alors ça je peux le dire en tant qu'auteur, ce que j'adore dans Groom c'est qu'on est heureux pour des personnages qui sont horribles et imbuvables. Mais c'est vrai parce qu'à la fin des Otéliades, Jérôme humilie Kian, alors que vraiment toute cette merde c'est de sa faute depuis le début. Il humilie Kian, qu'est-ce qu'un médicament, tu veux le prendre 120 grammes par jour. Merci. Il humilie le personnage de Kian, alors que c'est vraiment à cause de lui que Kian était à l'hôpital et tout, et genre on fait genre il l'a bien niqué, alors que c'est horrible quand Kian dit mais c'est pas tes amis, c'est tes collègues, moi ils sont pas venus me voir à l'hôpital, tu fais c'est vrai, c'est horrible. C'est vraiment en fait, ça fait comme dans Breaking Bad je pense la saison 3 où sa meuf est considéré comme l'opposant et qui est genre odieuse, alors qu'en fait c'est juste la personne censée du couple quoi. Et là effectivement il est vu comme extrêmement méchant Kian, alors que dans les faits effectivement tous ses collègues sont pas venus le voir, c'est eux les ordures. Et l'épisode 10 c'était ça aussi. Après tu fais une vanne de excuse-moi machin, genre tu lui fous un espèce de zef de je vais te serrer la main, je me brosse les cheveux en fait, et je fais c'est affreux. Moi j'ai pleuré moi ce passage là non mais en fait on en avait parlé, je sais pas si tu te souviens justement à un moment de l'écriture de la, et j'avais donné l'exemple de justement Skyler, la femme dans Breaking Bad, et en fait tu te rends compte que le public il est toujours du côté de l'histoire. Et en fait, le méchant, c'est toujours celui qui empêche l'histoire d'avancer, Et en fait, qu'il soit gentil ou méchant, c'est pas grave, en fait. T'es là pour voir une histoire, et s'il y a quelqu'un qui s'oppose à l'histoire, t'es contre lui. Même s'il est gentil, même s'il est dans son bon droit. Parce qu'on vit dans un monde d'égoïstes, putain. Mais oui, et moi, c'est ce que j'ai adoré mettre. Mais même dans l'épisode 10, moi, j'ai kiffé qu'à la fin. Enfin, c'est horrible, c'est pour les raisons qui sont les raisons du père, mais on empêche un orphelinat de se créer. Et moi, j'avais ce plan dont je rêvais, où il y avait des enfants dans des cages qui pleurait, et là la série se terminait là-dessus. C'est tout le monde était genre on a réussi, à sauver l'hôtel, et le dernier plan c'était le générique de la série sur un enfant dans une cage. Il me semble qu'il y avait une camionnette qui partait loin. La camionnette partait avec des enfants dans des cages, et il y avait le générique de Groom. Parce que ça coûte très cher les enfants. Sur le marché noir en tout cas. Et moi j'aime que on soit du côté de gens horribles. Voilà, ça j'aimais bien. Et moi juste pour répondre à la question, c'est comme ça dans la vie que ça marche, c'est les salauds qui gagnent. Je trouve. S'en sortent. Moi, j'ai pas répondu du coup. Ah oui, pardon, excuse-moi. J'ai dit que c'était pas forcément Otéliades, même si je les adore. Ouais. Et aussi, j'adore ce que vous avez rajouté. Avec Robinson. Notamment, pendant Sport dans TV et tout ça. Mais aussi, je pense peut-être l'épisode 2 qui est vraiment qui est cool. Ouais, qui marche très bien et tout. Je suis content des vannes de l'épisode 2. Et moi, j'aime bien le final aussi. Parce que le final, je trouve que c'est en plus, c'est drôle que ce soit l'épisode 10. C'est celui où il y a un peu de tous les auteurs. Il y a ça que je trouve intéressant, même si Adrien a pas mal écrit dessus, moi j'ai écrit dessus aussi, Axel avait les idées de comment finir la série et tout, mais je trouve qu'on a tous un peu donné des trucs. Tu parles duquel ? L'épisode 10, dernier. Le dernier, je trouve qu'il y a une scène que j'adore et je peux l'adorer parce que c'est pas moi qui l'ai écrite, entre Adrien et Constance, où Adrien parle du métier de concierge, il a pas d'amis, mais l'important c'est que les clients soient contents, tous ces trucs-là, je trouve que c'est une belle scène. J'aime bien la scène entre Jérôme et Constance. En fait, c'est des scènes qui sont pas du tout drôles, mais je les aime bien. Et j'aime bien les chansons, j'aime bien la chanson de Nassim. J'adore le fait que Vincent ait un briquet sur la chanson Nique l'orphelinat. Je suis d'ailleurs très content que ce soit passé Nique l'orphelinat. Rajouté post-prod, c'est pas vrai. non mais voilà, j'aime beaucoup l'épisode de fin et je me dis s'il y a une saison 2, je suis content parce qu'en fait à l'épisode 10, je trouve que c'est la forme finale cool d'un épisode de Groom où il y a des vrais enjeux, où t'es un peu triste pour les persos, mais il y a quand même des bonnes vannes. Moi j'adore la vanne que t'as rajoutée de on lui fait un câlin, on lui met une balle dans la tête. J'adore ce truc là. Et enfin voilà, donc j'aime beaucoup cet épisode 10 et voilà, moi ça c'est mon préféré. Moi je me demande surtout à la fin, je me dis qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans cette saison possible. Mais bon. Ah bah ça faut s'abonner. Je vais te donner la dalle. Non mais si les gens s'abonnent beaucoup, peut-être qu'on sait jamais. Question, je me demandais si vous aviez dû censurer ou couper certains gags refusés par YouTube ou autre. Ça vous connaissez Dailymotion a censuré 3 vannes. Non mais ça va, on a été assez libre Axel. On a été totalement libre honnêtement, je saurais pas te dire Mais elle y est hein. Elle y est la blague. Non franchement, il y a juste on a dû expliquer un moment parce qu'il y a beaucoup de mots fois le mot putain dans la série, juste expliquer la nuance entre un putain français et un fuck ou un fuck you anglais qui est pour les Américains perçu comme nettement fou. Ouais. Une fois que ce truc là a été passé, franchement, enfin ils nous ont fait confiance vraiment, enfin c'est, enfin c'est toujours j'aimerais avoir autre chose à dire mais non franchement c'est, non c'est, on a été assez libre. Je crois que dans Robotel il y a eu une discussion sur le sexe du robot qui a été effacé qui était une énorme bite de 20 cm. Alors pour le coup là, anecdote sexe de robot, c'est que dans le texte normalement la scène où Robotel met de la crème hydratante sur le torse de Nicolas Bernaud, il y a écrit une trappe s'ouvre de son torse, il y a un tuyau qui sort qui projette de la crème hydratante sur le torse. Sauf qu'au final le robot, la trappe était au niveau de la bite et du coup ça ne dit pas du tout la même chose quand t'as vraiment juste une bite de robot qui jette de la crème hydratante. Du coup on a fait sur le torse jette de Nicolas Bernaud, il le jette avec son bras quoi, parce que sinon bah c'est voilà, ça fait blague de bite quoi. Voilà, blague de bite, ce qui était pas ça quoi. Je me souviens encore ton texto où tu as découvert le robot et tu m'as dit la vanne du gel hydratant prend un tout autre sens. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai. Oui, non, dans Robotel, il y avait la Constance qui dit ah, mais tu sais, Frankie Scratch qui peut parler que. Enfin, qui comprend que quand on lui parle en rap. Et Jérôme lui dit ouais, je ne veux pas savoir comment tu le sais. Et elle fait je l'ai sucé. Il fait ok, pendant que ses deux potes le regardaient. Et il me semble que celle-là, elle a failli sauter. Il y a eu discussion en tout cas. Il y a eu discussion et en fait, non. Non, non, les blagues de sperme et de. Tout de, ça, ouais. D'escortade en fait, et tout. C'était assez c'est... marrant. Les débats étaient avec les services juridiques, etc. sur à quel point ça passe ou non. Et surtout, par exemple, quand Vincent amène la combinaison avec le God Ceinture pour Julie Ferrier, il y a débat. Il y avait plusieurs plans et il y a débat sur est-ce qu'on peut valider celle où la teub est bien dressée. Est-ce que. Enfin, c'était des discussions comme ça. Et finalement, on a. La teub de Vincent, hein. Ouais. Bandait sur toutes les prises. Mais t'avais une idée d'ailleurs de bite, je crois d'ailleurs Vincent. Quoi? Sur la combi et une porte. Ah oui, moi je voulais m'extirper de la porte en coissant la teub et en galérant avec la porte. Je me suis dit, si déjà j'arrive à prendre la combi et à faire en sorte que le sexe soit à peu près droit pour que ce soit ridicule, ce sera déjà pas mal. Donc quand j'ai fait ça et que je me suis dit c'est peut-être la dernière prise, j'ai pas tenté. Il y a une question d'ailleurs pour les comédiens qui demande la part d'improvisation parce qu'on sent que certaines répliques sortent du tréfond de votre cœur. Bah tu vois, moi j'arrive plus à savoir, par exemple la balle dans la tête, je pensais pas que j'avais. Non, il y avait écrit le câlin. Tu disais en gros câlin. C'était Nassim et il disait et pourquoi on lui met pas les pieds dans la friteuse. Genre, ça je l'avais écrit. Tu disais trop violent. Tu disais on lui fait un câlin. La balle dans la tête. Et là j'avais arrêté là et toi t'as rajouté la balle dans la tête. Ah, ok. Ouais, mais c'est pas exactement de l'impro. Non, mais c'est un truc que tu as dit. Ah, mais sinon, je pourrais dire ça. Souvent, du coup, c'est ça qu'on peut répondre, ouais. C'est que tous les jours, on réécrivait, on lisait, on faisait des lectures pour le lendemain. Et à 19h, quand ça se passait bien, ou 20h, ou 23h. 19h et des brouettes, ouais. Et des de bonnes brouettes parfois. Ouais, ouais. Non, mais là, c'était sur le moment, là, pour le coup. C'était sur le. Ouais, j'ai pas du tout ça. Ça, je me souviens que c'était avant que ça tourne, quoi. Enfin, oui, on était installés, machin, on répète, et t'avais dit, ah putain, je pourrais dire ça, machin, etc. Il y a plein de trucs comme ça. C'est de l'impro direct, je sais pas trop s'il y en a vraiment. Pardon, Jérôme, mais je vais parler en pourcentage. Il y avait. Là, je veux. Non, mais il y avait. Je pense qu'il y a 5% d'impro réel, c'est-à-dire sur le moment. Il y a eu peu d'impro, au final. Ouais, très peu, parce qu'on n'avait pas le temps. Il fallait jouer la bonne version quoi, et peut-être 15 à 20% d'ajouts sur les textes écrits par les auteurs la veille au soir en lecture, ce qui n'est pas à faire si vous faites des séries. Faites oui, et il y a aussi si vous avez le temps, parce que c'est des trucs qui sont pas vraiment de l'impro, mais qui sont des trucs où on rajoute une vanne pas la veille, mais genre au moment de le jouer. Je sais par exemple Alors, en impro pur, je sais qu'il y a eu le passage où tu dis RTT, comment on écrirait machin, etc. Et tu proposes des trucs. Là, c'est un peu de l'impro où tu me parles. Je dis non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'était un. Ah oui, quand t'as fait Martin, de l'impro. Machin, oui, ouais, voilà. N'importe quoi. Et et en truc rajouté, alors je dis que des trucs avec moi, mais c'est parce que c'est les trucs dont je me souviens. Toute la scène où je dis Nassim, relation client, le respect, ça vous parle, j'adore cette et scène. Il dit non, bah ça c'est vous serez pas déçus, moi celui qui me manque de respect je lui pète le bras. Ça c'était pas, enfin c'était plus ou moins écrit, mais on a vachement rajouté des trucs, des échanges, Nassim, des trucs, machin, beaucoup etc. d'impro en règle générale quand il dit valeur intrinsèque. Ça, c'est un truc qu'il avait improvisé. Si, on a dit, ça, c'est drôle, on le garde. Et puis, après, moi, je pourrais dire ça, machin, etc. Non, mais Nassim, qui il joue trop bien. Et quand il chope le gars qui fait c'est payant, et il limite, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de l'acteur. Il aimait bien faire ça. Il aimait bien. Il donnait des surnoms. Donner des surnoms de politique ou machin. Ferme ta gueule, Meryl Streep, des trucs comme ça. Tu fais. C'est... Jean-Claude François. Il y a un Jean-Claude François que j'aime aussi. Ferme ta gueule, Jean-Claude François. Celui qui improvise le plus, c'était Nassim. C'était Nassim, ouais. Et moi, c'était préécrit. Et. RTT. Non, oui, alors oui, une anecdote donc sur le donc quand tu dis tweet, quand tu termines la scène là donc où tu fais RTT, t'as pas le droit de dire ni le R ni le T et tu dis mais alors comment on fait pour dire tweet? Et comme tu le murmures, j'ai constaté récemment que les sous-titres français n'avaient pas écrit tweet mais tweet. Oh putain. Ah. Voilà. Et ce qui est moins bien. Oui. Il y a pas de R dans aucune cohérence. Et l'autre chose, voilà, la chose que je voulais dire, c'est que moi, l'une des volontés en faisant Groom, c'était de travailler avec des comédiens qui sont aussi des auteurs, et c'était le cas donc de Jérôme, Vincent et Adrien, et c'est un apport qui était pour moi obligatoire, c'était enfin leur capacité à proposer des choses au-delà de ce qu'on a écrit était un atout j'aurais pas osé essentiel. Moi avant on avait tourné le manoir avant où on l'avait déjà un petit peu fait avec Jérôme et tout, où on pouvait se mettre des textes en bouche et aussi vraiment rajouter, improviser. Le réalisateur, il nous motivait à faire ça, mais avant j'aurais pas vraiment osé, parce que sur les sketchs qu'on faisait souvent, Golden machin etc, ou autre, ou même quand j'ai joué autre part, on m'a souvent demandé aussi de respecter le texte au mot près. J'ai déjà tenté de faire des petites escapades à côté, un cartade, et on m'a dit genre hop, reviens quand même dessus. Donc souvent je n'ose pas le faire parce que j'ai peur de bousiller le texte d'un auteur machin, et en plus là je connais les gens. Mais après les gens avaient écrit aussi un peu pour toi, donc c'est ça aussi qui marche bien, je trouve, dans le côté impro. Et à côté de ça, les blagues sont écrites. C'est que normalement, on est à peu près sur la même longueur d'onde de ce qu'est le perso, et donc voilà. Il y a des trucs qui sont au mot près. Moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, et je pense que c'était de l'impro. C'est Jérôme dit non mais c'est n'importe quoi, Silver de règle d'or, et Vincent dit bah non, parce que déjà c'est pas impro. N'importe quel métal, c'est de l'or déjà. Et ça me fait beaucoup rire. Moi, il me semble que c'est pas une impro, et c'est des trucs qu'il note sur des petits bouts, sur des trucs illisibles. Il arrive avec ce truc là, j'ai ce truc là et tout, je sais pas ce que c'est. Je te fais toi qui parle dans ta barbe. Ah, parfois, pour le coup, c'est le seul problème, il n'en avait pas de barbe, mais oui. Non, ouais. Elle était à l'intérieur. Je me suis fait tirer par. C'est pour ça que t'es fait opérer. C'est un prolapse inverse. Tu retiens ton souffle dans toutes les répliques, parce que si tu relâches ton souffle, la barbe pousse d'un coup. Et Je me rasais tous les matins. C'était vrai, donc il n'y avait pas de vanne. Avec Jérôme, on se rasait tous les matins, on était vraiment vénère. On est des gros crasse-pouilles dans la vraie vie, en fait, on est des souillons. Des souillons. Tout ça, c'était horrible. Non, mais c'est très agréable d'avoir des comédiens qui viennent à la lecture en ayant pensé à des trucs, soit globalement pour la scène, soit pour leur personnage. Ouais, et même Marie Lanchat, elle avait des trucs aussi comme ça, tous les trucs où elle propose des chanteurs puis des tennisman à la fin de l'épisode 2. Ah non, c'est toi ça? C'est moi ça. Ah, excuse-moi, mais, pardon, le tennis. Parce que j'adore le tennis. Ouais. Et non, et Adrien, très souvent, arrivait à la lecture. J'avais pensé pour mon perso à ça. Je me suis dit, c'est nickel, c'est parfait. Enfin, c'est pile ce qui manquait dans la scène ou quoi. Donc c'était très appréciable d'avoir ces gens dans cette série. Chacun autour de la table, qui a été la plus grosse difficulté pour vous sur un tournage aussi fat, long, gros, énorme? Pas le droit de bronzer, et je bronze très très vite. J'avais les mains noires, et ça se voit dans des plans où je me gratte le menton et tout comme ça. Je suis blanc, c'est Casper Youplaboum. Pas ça, c'est Prosper. La nuque est bronzée. Non, c'était pas ça. Non, je sais pas. Ce que disait Jérôme tout à l'heure, peut-être c'est de crossborder, de mélanger l'ordre des épisodes, séquences et tout. Ouais. Des plans qui se répondaient parfois deux mois. Mais c'est après, vrai que se raser chaque matin, ça, c'était vraiment chiant. Dawson. Il paraît que Dawson. Genre à blanc, quoi. Ouais. Blanc, bien comme il faut, quoi. Avec c'était avec la petite tondeuse électrique de. Non, au début, j'ai fait ça à l'ancienne. Rasoir, toi ? J'ai voulu faire ça comme mon père, moi. Je me suis dit, ah, je suis comme mon père, je vais au travail le matin et je me rase bien le matin. Avec un couteau. Au bout d'une semaine, j'avais ouais, la peau arrachée avec le col. Ouais, non, c'est horrible. Ouais, non, non, non. Ouais, peut-être non, avec la tondeuse à la fin, la tondeuse 0 mm. La tondeuse, t'as fait chier. Très fort, très fort. Très bien. Non, non, difficulté, ouais. Garder le perso, pas en sortir, pas s'enlacer aussi. Se dire, ouais. Est-ce que ça va, ce qu'on fait depuis une semaine ou pas? Ouais. Garder le moral un peu pour ça. Mais chaque jour était une surprise. Une aventure. Finalement. Et d'ailleurs, toi, j'aimerais aussi, Axel, toi, parce qu'il y a eu toute la partie post-prod avec Théo, avec les monteurs. Comment ça s'est passé? Il y avait combien de monteurs? Il y avait deux monteurs prénommés et nommés Quentin. Et Arthur très et bien. Nommé Eden et Dolipovski. Très pratique comme Quentin Eden et Arthur Dolipovski qui ont monté chacun 5 épisodes. Ouais. Et ça a été ça s'est très bien passé. On a eu environ 2 mois de montage pour faire l'ensemble. Il a fallu simplement au départ caler en gros le rythme puisque on partait de, enfin c'est des monteurs historiques du studio Beagle avec qui on a l'habitude de travailler maintenant depuis je pense 6-7 ans. Et il a fallu caler le comment on vit cette série, enfin quand est-ce qu'on change de plan et quand à quel point on garde un peu plus de blanc que dans un sketch où ça va très très vite. Et une fois qu'on a posé ces bases là, ça s'est très bien passé et on a et c'est hyper enrichissant de travailler avec des monteurs qui font des propositions. Des fois quand des choses marchent pas, ils sont complètement ils peuvent prendre le parti Franc du collier. Ouais. Ouais, ils disent bah ça marchait pas, j'ai enlevé. Et Franc du collier. T'aurais ouais. Ça c'est de la merde. Et t'aurais ce que t'aurais pas forcément comme réflexe initial si jamais. Enfin, quand t'es très attaché au texte, quand t'as vu le truc tourner et tout, tu te dis pas bah ça dégage carrément. On a pas besoin de cette info et tout. Donc le fait qu'ils aient un regard neuf sur ce qu'on a tourné est hyper enrichissant. Ouais. Je sais pas pourquoi je parle. à chaque fois, c'est pas bien. Hein. Quelqu'un demande, alors ça me fait rire parce que, comme si on avait vraiment bossé de ouf ce truc-là, je voulais savoir le procédé pour éviter les erreurs dans le scénario de cohérence ou de véracité. Je pense par exemple à l'épisode 5 où Adrien parle très justement de la langue des signes et de sa spécificité propre à chaque pays. Tout le monde le sait, ça. Ouais, non, c'est juste un truc que je savais et que j'ai mis. On est cultivé. Voilà. Non, mais voilà, il n'y a pas spécialement un travail. Je faisais pas, j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Non, mais moi, par contre, c'est vrai que je me suis dit c'était cool dans le scénario parce que quand je l'ai appris, j'ai fait waouh, ah ouais, je pensais vraiment que la langue des signes était universelle à tous les pays. Non, et donc du coup ça m'a bien servi pour cet épisode, ça a découlé naturellement. Mais non, on n'a pas trop. Après je sais qu'Axel a été, et des fois épisode. Maintenant je dis que t'étais pointilleux, mais quand on écrivait des fois je te disais que tu étais très casse-couille sur ce qui était possible ou pas dans un hôtel. Je sais que c'était un truc qui était assez important, en tout cas les premiers épisodes. Oui, les premiers épisodes, c'est censé poser le monde réel. Donc, si il se passe n'importe quoi, déjà que les employés sont fous. Ouais. En vrai, en tant que figure d'autorité, par exemple, le gag d'Adrien qui surveille Constance au premier tiers de l'épisode 2, où il est caché derrière une chaise et il se baisse en mimant l'ascenseur de lui-même, théoriquement, ça vient un peu modifier qu'est-ce qu'est cette figure d'autorité dans l'hôtel, quoi. Ouais. Après, le gag est visuellement marrant. Oui, on se dit qu'on est les seuls à le voir. Ouais. Et c'est vrai que les auteurs nous étaient genre, mais c'est drôle, Axel, arrête de faire chier. Il y a à la fois hip-hop et ninja. Pensez-vous que YouTube va continuer à investir dans de gros projets? Bah, ça, on ne sait pas trop. C'est pas nous. Je pense qu'ils le font. Hein. Il me semble qu'ils ont annoncé 50 séries pour l'année prochaine. Donc mais pas de ouf. J'ai mis des parts, là, j'espère. J'ai mis deux balles. Les collectifs God Moustache et Studio Beagle se sont-ils concertés sur l'annonce des gros projets YouTube Premium? Putain, j'en sais rien. Pas tant, hein, au final. Sur l'annonce, non, parce que nous, de toute façon, on avait le droit de rien annoncer. Non, mais même sur les séries, en soi, vous n'avez pas trop parlé... Enfin, là, je me tourne surtout vers Axel, mais vous n'avez pas trop... Non, ça se faisait en sous-main, en sous-pied, en sous-le-coude, allez. En sous-le-soleil. Franc du collier, finalement. Sous-marin, quoi. Sous le manteau. Merci. Faisons non, mais c'est vrai, vous n'avez pas... C'est plus le travail de YouTube de faire quelque chose de cohérent pour un lancement national, quoi. Non, mais je veux dire, plus que le lancement, vous n'avez pas échangé sur les séries pendant qu'elles se faisaient. Alors toi, t'as fait plus qu'échanger, puisque t'as bossé Moi, j'ai écrit sur les deux, ouais. Moi j'ai volontairement décidé de voir le plus tard possible quoi que ce soit les emmerdeurs. Ouais. J'ai trouvé j'étais content de faire ça. J'ai toujours pas vu. Moi j'ai Voilà, après, je sais pas pour les autres. Non, c'est juste dans les équipes, comme on se connaît tous. Il y a beaucoup de comédiens déjà. Moi, à la base, j'ai plus bossé pour Golden, toi aussi, Flaubert. Ah oui, c'est sûr. Adrien aussi, en fait, plus. Exact. Non, les deux. Enfin, on a toujours fait un peu les deux, de toute façon, mais comme on connaît tout le monde plus Golden. Ouais, on a tous comment. Enfin, nous trois, on a commencé à Golden. Comment ça se passe, vous quels sont vos blagues quels sont les personnages pensés pour cette série t'es en train de fondre. Vincent, t'es en train de fondre. Ça va. Mettez-moi dans un bocal. Non mais oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnages de comédiens qui faisaient les deux séries. Aude Gonigoubert, elle a fait les deux séries. Slimane Baptiste-Béroun, Julien Pestel. Toi, t'as écrit sur deux séries. Bon, tu l'as peut-être déjà dit, mais oui, moi j'ai écrit sur les deux. Mais en tout cas, il y avait surtout beaucoup de comédiens qui, et c'était très particulier pour eux parce que ils étaient vraiment au fin fond de la campagne dans un mobilhome sur les emmerdeurs, qui était un tournage très rude avec beaucoup de décors en extérieur et tout. Ils arrivaient sur Groom, 50 coups de fouet par jour, je crois. Ils arrivent sur Groom, c'est un énorme 5 étoiles. Donc voilà, c'était un peu deux salles, deux ambiances. Mais après aussi, t'avais l'autre truc où sur les emmerdeurs, c'était des costumes. Là, sur le Groom, voilà, c'était, il y avait un peu. C'était vraiment deux expériences en fait. Les deux séries sont très différentes. Hein, il a un peu plu. Il y a une fois, on a dû tourner une scène dedans au lieu de dehors parce qu'il pleuvait. Donc, comme quoi, tu vois, les conditions un peu dures. On les a eu aussi. On a mangé notre pain gris. Je me suis consolé en prenant un bain dans ma suite après. Un matin, j'ai pas eu ma petite savonnette. Que je piquais régulièrement, j'en ai encore. Est-ce que travailler sur une série destinée à être payante ajoute de la pression ou au contraire, ça libère l'esprit créatif? Aucun des deux. Ça ne change rien. Ça change rien, on terminé. Est d'accord. Hein. Alors. On n'écrit pas en pensant à ça. On essaie de faire un truc qui nous plaît. Vincent Tirel, tu es le Christian Bale de la pilosité faciale. Comment parviens-tu à faire varier à ce point ce volume de barbe? Tu as fait faute à Christian Clavier. Fin de phrase. J'ai pas écouté la question. C'est vrai que c'est assez inhumain. De quoi? Du poil? De ta barbe. C'était, en fait, il n'y a pas vraiment de question. Je trouvais la vanne marrante. C'est quelqu'un qui a dit que tu étais le Christian Bale parce que lui, il perd beaucoup de poids sur les tournages. Oui, et toi, t'as ça avec ta barbe. Ok, d'accord. C'est vrai, j'adapte le poil en fonction de ce qu'on a. On a cette force. C'est vrai qu'il y a un délire. Il y a un délire sur la rapidité. Entre le manoir et Groom, c'est vraiment fou en termes de faciès. On est la même semaine, mais. Mais nous, on est d'accord que Christian Bale, si on le prononce correctement, c'est Christian en fait son prénom. Comme, oui, Pibal. Oui, Pibal, comme Christian une boule de flipper au final. Christian Bale. Y a-t-il eu des scènes coupées beaucoup... Y a-t-il eu beaucoup de scènes coupées, pardon? Un épisode entier. Ouais. Non, mais peut-être au tournage et que vous appréciez. Y a pas eu grand-chose de coupé de ce qui a été tourné. Il y a deux scènes qui ont été coupées nettes, qui étaient des payoffs. Qui ont été donc payoff. Puis il y a une scène qui arrive après le générique. Est-ce que c'était déséquilibré? Il n'y en avait pas. On peut dire lesquels c'est peut-être. Comment? On peut dire lesquels c'est peut-être. On peut dire lesquels c'est. C'était dans l'épisode 4 où on apprend que la femme de chambre a été anciennement Fight Club. Membre d'un Fight Club. Elle, à la fin de l'épisode, a dit c'est bon, j'ai raccroché et tout, c'était une passade et tout. Et en payoff, elle tabassait un mec dans les poubelles de l'hôtel. J'adorais ce payoff. Et le deuxième truc, c'était un payoff du. De Robotel. De l'épisode 7 avec Robotel où Vincent. Alors, il y avait deux choses. En fait, il y avait. Je sais pas si je le raconte ça parce que moi j'ai envie de le faire vivre ce truc là. Ah bon, non, mais ne raconte pas. Il y avait en tout cas le personnage de Vincent qui rappait contre le fax, qui était un payoff à un moment qui s'est transformé à être oui, donc c'est pas vraiment coupé en fait. Ouais, c'est non. Voilà. Et tu veux pas dire le vrai? Bah le non vrai parce que ah, d'accord, moi d'accord. on dit pas. Auriez-vous souhaité plus de guests? Certains ont-ils refusé? Alors moi je peux dire qu'il y en a un qui a refusé parce que ça a quand même changé toute l'écriture d'un épisode. Marc Lavoine était Pascal Obispo. Oui. Voilà, à la toute base, l'invité, le chanteur qui était dans l'hôtel était Pascal Obispo. Il y avait toute une blague. Ça a changé plein de vannes. Bah en fait, ça avait même un tout petit peu plus de sens entre guillemets, parce qu'en fait, c'est pour ça, il faisait une comédie musicale pendant la préhistoire qui s'appelait Feu, la comédie musicale. C'était la comédie musicale autour de la découverte du feu, et c'est pour ça qu'il se prenait un peu d'amour pour ce SDF qui avait un truc un peu à l'ancien, préhistorique dans sa façon d'être, quoi, Cro-Magnon. Ça a valu à la série le seul commentaire positif de ma mère sur la série en la présence de Marc Lavoine, donc honnêtement c'est une bonne chose. Mais du coup en fait, et surtout toutes les blagues, parce que moi c'est ma petite marotte, j'adore écrire, je suis fan de Family Guy, donc j'adore écrire des blagues très précises sur des gens connus, et du coup j'avais écrit plein de blagues sur Pascal Obispo, et par exemple la blague où il fait sur Marc Lavoine où il dit l'amour est dans le cœur des hommes, et qui dit ouais, moi aussi j'ai dans le cœur des hommes le 1, le 2, le 3. À la base, c'était voulez-vous prendre Lucie? Il fait ah bah Lucie, c'était quand même ma chanson. Enfin voilà, toutes les blagues étaient sur Obispo, et c'est devenu des blagues sur Marc Lavoine. Voilà. Ça, c'est une très belle anecdote hallucinée. Ouais, bah oui, écoute, la seule vanne. Avant, c'était Jacques Gamblin. Ça ne marchait pas. La seule vanne vraiment coupée, et c'est un peu un crève-cœur, c'est sur justement cet épisode du mariage. Ah oui. Où à la fin du mariage. J'ai attendu toute la journée. Vincent, peut-être raconte là. Oh non, vas-y, fais-le parce que je suis fatigué. J'ai du mal à parler. Ah pardon, bah vas-y. Non, le personnage de Thomas, donc qui se prend pour un enquêteur de police pendant tout l'épisode, allait voir Marc Lavoine à la fin et lui disait, alors comme ça, on connaît une fille qui a du revolver. Et hop, je t'arrête. J'avais fait comme d'habitude. Du coup, j'avais réécrit les phrases. Je me suis dit, putain, j'ai deux versions là. Mon gars, je les ai bossées, calibrées de ouf. Et pourquoi ça c'était pas le temps? Tournage hardcore quoi. Le mariage. Et du coup, je devais braquer Marc Lavoine. J'ai dit à ma mère la veille, mais j'ai marqué. Hé, hey, maman. Oh, oh, oh. Ah, t'étais devenu Joey Star en plus. Ouais, j'ai pété. Bon, mal fait, mais j'en ferai. Vincent Tirel, alors on sort un petit peu de la série. Aimerais-tu jouer des rôles dramatiques? Car on t'a beaucoup vu dans l'absurde. Oui. Est-ce que tu aimerais un jour jouer un rôle dramatique? Oui. Voilà. C'est très court, dit-il dramatiquement. Écoutez, non, ouais, ça me serait trop bien. Ça serait kiffé. Ah, pareil avec Jérôme. Et j'aimerais bien un film. Oh putain, je rêve de deux choses. T'as un pitch? Ouais, j'ai un vrai pitch. Je voudrais choper, tu sais, un scénar d'un film hyper dramatique, où on se dit vraiment, putain, ce film il prend au trip un truc, un Haneke, quelque chose. Ouah, la merde! Et juste mettre des perruques à tout. Ça chiale et tout, qu'on fasse. T'as été ému, tu vois. Bah, j'ai été ému, mais il y a. Jérôme Niel, il est magnifique là-dedans. Bah, il a une frange, mec, j'en peux plus. Ouais. Et ça, des queues de cheval, des dreads et tout. Ça, ou alors, un film vraiment hyper dramatique, hyper stylé. J'adore et bam, cut au milieu, et on part en couille, ouais, en couillasse. Et tout le monde pète. Et vraiment, les gens au milieu, feraient, bon, bah, c'est n'importe quoi. C'était très bien, j'étais ça vraiment. Ça part en dumb and dumper d'un ouais, coup. Ouais, ouais, ouais. Bon, un peu mieux joué parce que là j'ai pas le truc. Ah, mon ami Vincent, si, pour lancer sur le truc. Ah, c'est Billy Big Deal là. Je sais pas le faire. Ouais. C'est qui sait faire c'est toi Adrien. C'est Pestel qui sait faire. Non, lui c'est Vincent Lagaffe sur non. Bonjour Émilie. Bon ami Vincent. C'est mon ami Vincent. Je sais pas faire du tout. Moi c'est Billy Big Deal. Bonjour Émilie. Ça marche pas ça. C'est là il fait Bonjour Émilie. Mais moi je le fais pas bien. C'est qui Bonjour Émilie? C'est Lagaffe. Ah ouais. Bonjour Émilie. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Vous vous plie. Ah, c'est pas le même truc. Roger Rabbit, bah oui, bah bien ouais, sûr. On fera des tests, on fait un blind test. Y a-t-il prévu de faire d'autres saisons? En tout cas, même si YouTube ne les produit pas, est-ce que cette série a été pensée sur plusieurs saisons? Des saisons par rapport aux saisons, parce qu'il n'y a plus de saisons en ce moment, parce que c'est n'importe quoi la température qu'il y a dehors. Non, je pense qu'il parle des saisons plastique. De... D'accord. Mer plastique. Déchets. Les mers de plastique. D'autres saisons, ce serait génial, non? Bah, les sitcoms sont étudiés pour. Enfin, l'équipe des personnages, en tout cas, peut marcher sur 10 saisons. Mm. Non, mais elle a pas été pensée. Pour, elle a pour pas été pensée, marcher sur plusieurs saisons, mais le fait est que comme c'est des épisodes qui marchent un peu de même, et comme on disait, on a plein de pitchs qu'on n'a pas fait, et puis que comme voilà, dès qu'on commençait une histoire d'amour, on l'arrêtait très vite, et qu'il ouais. y avait rien qui se suivait parce qu'on est des nuls. non, mais la structure même du sitcom fait que tu peux continuer ad vitam aeternam, voilà, donc oui. Ça n'a pas été pensé pour, mais le fait d'avoir fait le choix d'une sitcom fait que oui, on peut largement faire d'autres saisons. Why not? Et quand pour l'instant, il n'en est pas question. Oui, voilà, YouTube n'en a pas parlé pour l'instant. Et quand tes personnages tourneront, tu peux les changer carrément, parce que Joey devient un débile profond dans Friends. Oui, c'est vrai. Enfin, Malcolm, ça brille, comme on disait. Ouais, dans H. Enfin, voilà. Malcolm, il change. Malcolm, celui qui est au middle. Oui. Yes, no, maybe, I don't know. Je connais pas, moi. Can you repeat the question? Non, mais dans Dans deux ans d'émission. Il y a The Office où tous les personnages secondaires qui étaient vraiment saison 1 complètement en retrait, et même le personnage de Kelly qui est genre insipide devient une meuf, un vrai personnage à part entière. Comme dans Hartley Cœur à Bif. Mais même Michael Scott. Hein. Michael Scott, épisode, enfin saison 1, il est très dark. Il ressemble très à la version UK. Et après, il devient beaucoup plus sympa. Les premières saisons, Drazik, c'est un personnage très très secondaire. Ah ouais? Et après, il passe en. Il passe devant. Et ensuite, il y avait son pote Bolton, là, ouais. qui était rasé, pareil, qui lui, il apparaissait une minute et lui, il devient... L'effet Barney de How I Met. Eux, la mécanique, c'est... une fois qu'ils ont le bac, ils se cassent, en fait, il y a des nouveaux personnages avec Anita, moi j'aimais bien. Il y avait May, ou Lay, non, May. May, elle avait des cheveux... Si c'était une chip, c'était Lay. Dans Tekken 3, c'était Heihachi. Jérôme Niel. Ah, il est là. Va-t-on te voir un jour au cinéma? J'adorerais. Ah bah, gênant, c'est déjà alors. Fait. Non, mais dans un autre film. Ah, d'accord. Sûr que oui. Donc te revoir au cinéma. Mais oui. Te revoir au cinéma. Je vais dès la semaine prochaine tourner un film. Ouais, mais il sort au cinéma. Et non. Ça reste du cinéma. Ça reste du cinéma. C'est Netflix. Ah ouais. Oui, il a dit ouais. Au cinéma. Oh. Oui, dans le cinéma. Pour moi, c'est, ciné. Pour moi, c'est mieux. Ouais. Bon. Voilà. Bah oui, bien sûr. Parce que franchement, les gens auront accès. Mais est-ce que c'est du cinéma du coup? Parce qu'il va se mais faire. Oui. Cinéma, ça, mais alors, je serais très heureux d'en parler dans un autre. Ah ouais, mais avec plaisir. Oui, enfin, ça va. Est-ce que, non, mais est-ce que Netflix. Qu'est-ce qui est du cinéma? Est-ce que c'est un long métrage ou est-ce que c'est la salle, quoi? C'est un long métrage pour moi. Est-ce que. Pour moi, c'est un long métrage. Ouais. Très bien. Mais écoutez, les amis, je n'ai plus de questions. Attends, on est qu'au début, là. Tu déconnes ou quoi? Ouais, on est tous en sueur. Enregistré. Ma meuf se cache dans la chambre pour pas nous déranger. On va faire un dernier tour. C'est vraiment les mecs, la femme, mais dans la cuisine, en train c'est parce que, préparer un pot-au-feu. Parce que Axel déteste les femmes, comme il nous l'a dit en début de podcast, donc je suis obligé de la planquer. Pas toutes, mais certaines, la plupart même. On va faire un dernier tour. Les non-génitrices. On va faire un dernier tour de table. Jérôme Niel. Oui. Attends, je me permets. L'art cinématographique se caractérise par le spectacle proposé au public sous la forme d'un film. Donc voilà. C'est merci. Étymologie. C'est très lent quand je parle. En vrai, un film de cinéma, une fois qu'il est passé en salle et qu'il est dans ta télé, c'est un film du cinéma. Non mais le problème, on n'aurait pas ce débat si cinéma ne désignait pas aussi le putain de lieu où on va voir des films. Alors, parce qu'on dit je vais au cinéma, mais aussi le cinéma, c'est l'art. C'est un énorme débat. Et puis aussi, le c'est cinéma. Le prix du billet qui finance vrai, le cinéma français. Si, la salle de cinéma. Pierre Tchernia. Si c'est un petit monde de Gaulois. Ouais. Je suis Pierre Tchernia. Non, mais si au lieu de dire je vais au cinéma, on disait je vais au. c'est ça le mot. Sur une biscotte. Il n'y aurait pas de ce débat. Non, mais on en revient à la chronologie des médias, évidemment. Jérôme Niel, où peut-on te voir prochainement? Sur Netflix, il vient de le dire. Oui, ben voilà, mais je fais un tour de table, on le fait tout le temps à la fin, tu le sais. Ouais, sur Netflix, mais l'année prochaine, ou sinon dans Phantom Force Netflix. Avec Adrien l'année prochaine aussi. Non, sur YouTube. Non, le 26 octobre au Comic Con Paris. Oh, bien joué, merci. Et vous avez fait, t'as pas joué dans un sketch show récemment ils aussi Non, je fais votre taf. L'as de la promo. Attends. Il est encore trop tôt pour en parler, on va voir si c'est bien. Dans un sketch show sur Halloween. Oui, sur Canal+. J'ai vu des extraits. De jouer encore avec Adrien et. Et d'autres. Parfait. Vincent Tirlose. J'ai un Roland. C'est ça ton actu ? Un petit Roland. Un Roland McDan. Alors, j'ai joué dans une petite série bien folle dingue pour Internet aujourd'hui même et hier même. Et ben voilà. Même. J'ai joué dans un sketch pour le sketch show Halloween dirigé par Adrien Méniel et c'était drôle et ça sort bientôt peut-être. J'en suis sûr. Fin du mois sur Canal Plus Décalé. Et, d'accord. Bon, oui, c'est pour Halloween quoi. Ah non, c'est pour ça que vous dites. Ça devrait être en période d'Halloween. Et ouais, période d'Halloween. Ça sort à Noël, c'est con quand même. Ouais. C'est pas impossible. Non, voilà. J'en reviendrai. I'll be back. Oui, t'es sur des projets aussi dont on ne peut pas parler. Pierre. Il est trop tôt, mais voilà. J'écris pour un gars qui est très drôle. Voilà. Un film. Une des plus belles queues de Paris. Je n'en dis pas plus. Bah. Adrien Méniel. Le fameux sketch show là, voilà. qui a raison de ma santé mon mentale. Voilà. Je trouve que t'as bonne mine. Bah puis t'as plus la patate que moi qui a rien foutu. T'as tourné toute la journée Vincent aussi. Ouais, bah oui. Il y a ça, Like Me qui est toujours sur Disney Channel en principe. Puis voilà, non, c'est tout, je crois. Et puis accessoirement, on doit peut-être réfléchir sur Phantom Force si on voulait continuer, par exemple. Ah oui, c'est des projets, c'est des projets. Là, tu balances une info. Non, mais les cartes sont dans nos mains, donc s'il se passe rien, ça veut dire qu'on aura chié sur les cartes. Vous aurez directement chié sur les cartes qui étaient dans votre main. Non, mais on aimerait donc, continuer. Il se passe quoi avec ce truc? Alors vous le faites ou pas? Moi, je suis fan, les gars. Il y a des auditeurs, vous savez. On aimerait juste continuer, mais il faut qu'on se voit. Faut qu'on se voit. Faut qu'on réfléchisse. On pèse le pour, le contre, qu'on est. Voilà, tout ça, quoi. Je pense qu'on serait pour, mais. Il faut. Ouais. Bref. On verra Inch'Allah. Hein. Inch'Allah, comme on dit. Et évidemment, Groom, disponible. À la vie. À vie, c'est quand même normalement toute la vie, quoi. Voilà. C'est sur YouTube Premium. Et voilà, vous pouvez vous abonner et regarder cette série, cette première saison. Fierté d'être dans cette série, quoi que vous en pensiez, où que vous soyez, vous êtes peut-être actuellement dans un métro bondé, dans un métro peut-être qui vient de vivre un accident. Oh là, non, Vincent, on sait jamais. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Qu'est-ce que tu peux être dark, Vincent? Ouais, je suis dark, je suis dans l'humour noir, je suis black, je suis ténèbres, je suis sombre. Pardon de jeter un pavé, mais tu m'as pas demandé mon actu. Oui. Et ça vient souligner le fait que j'en ai pas. Bah, c'était ça, je voulais te sauver de ce moment. Voilà. Mais voilà, après, tu peux te le foutre dans ta gueule. Vous pouvez me retrouver dans 45 c'est minutes sur la ligne 12 du métro parisien. Ah, j'ai oublié, je suis dans un court métrage de SML. Et bah voilà, encore le SML dans lequel Jérôme, tu avais joué aussi. Exact. Ah, oui. Le premier acte. Oui, oui. Ouais. Moi, je devais donc, aussi. Et, après, moi, c'est beaucoup plus court. T'as pas répondu. Je suis un DJ. De... Les nouvelles vont vite. Bah, j'ai répondu trop tard parce que j'étais sur un tournage de sketch show. Et, ah, merde. Et du coup, j'ai dit, bah, du coup, c'est peut-être trop tard. On m'a dit, ouais. Et Vincent, toi, tu joues dedans. Ouais. Je fais l'abruti. Un rôle de DJ. Drôle, on a bien rigolé. Un disque jockey. Exactement. Quel bonheur. J'ai hâte. C'était drôle. Et voilà. N'hésitez pas à acheter le DVD de Volteface. Quelle meilleure façon de se quitter. Merci à tous. Bisous. Ciao. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bisous. Merci, Floby. J'initialise l'application pour traumatiser. Tu vas goûter la brutalité robotisée. Je vais te briser, te maîtriser. SVP. Si j'utilise des mots compliqués, vous traduisez. Si ça va pas, t'appelles papa quand il faut raquer. Et t'appelles robotel quand il faut rapper. T'es tellement déconnecté de la réalité que même la pute de l'hôtel t'a rejeté. Arrête de dire que j'ai des queues entrées. Est-ce que t'as quelque chose à répondre, Paris Hilton? Non, c'est William. Ok, pull up le DJ pour William. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous pensez à l'image de l'hôtel un peu? Et vous là? Ok. Pour être un rage, mais j'avoue c'est courage de venir ici pour bagarrer. Malgré la lenteur de tes mouvements saccadés, mec, faut que je te débranche pour faire terre-terre. L'hôtel c'est mon terre-terre et qu'est-ce que tu vas faire? T'es une merveille technologique, je vais pas le nier. Dommage qu'on t'ait mis des roulettes à la place des pieds. Machine de guerre anéantie par des escaliers. Putain de robot misanthrope, je te surpasse trop. T'aimerais qu'un livre de Robocop, t'as celui d'Astro. La race humaine est supérieure, je suis là pour t'expliquer qu'il faut pas que t'oublies d'où tu viens et qui t'a fabriqué. Merde, j'ai des choses, c'est quoi ton base? Martin Gambier. Bouh! Ok, Martin, ok! Est-ce que Robotel, t'as encore des choses en stock? Bah vas-y, montre-moi ça, c'est parti! Round 3, man! J'avais pas prévu de faire un doublé, mais pas de soucis. Je suis multitâche, je vous prends tous les deux et je vous détruis. T'as l'air remonté, c'est vrai que ça doit être très énervant de voir quelqu'un faire en un jour mieux que toi en 14 ans. J'ai analysé ta vie et dressé un constat. Quand je cherche tes amis sur Google, y a pas de résultat. T'os faire l'éloge de la race humaine et sa supériorité. Avec ton hôtel et tes clients qui font pitié. Pourquoi j'utiliserais les escaliers, ça me dépasse. Tes employés sont assez cons pour le faire à ma place. Race humaine pathétique dirigée par ses sentiments. Je vous pousserai tous à l'extinction bien gentiment. J'ai pas d'émotion, mais quand les les robots vont soulever, je vais rigoler en regardant les humains crever. C'est pas chill ça, c'est pas chill.